parce que déjà, la vibration du corps éthérique en lui est active et commence lentement la transmutation des corps inférieurs qui permet éventuellement la connexion et le passage à l'éthérique. Fait que c'est bien important pour l'homme de ne pas avoir d'espoir pour demain. C'est important pour l'homme de savoir tout de suite où il en est vis-à-vis lui-même. Et l'homme ne peut pas savoir ça tant qu'il n'a pas détruit en lui la conscience astrale. La conscience astrale, c'est comme un voile. L'astral dans l'homme, c'est comme un voile devant son intelligence, et même s'il perçoit un peu de lumière à son intelligence, est toujours voilé. Et c'est pour ça que l'homme ne voit pas clairement. Mais lorsque c'est détruit, cette affaire-là, par les outils qu'on donne dans les séminaires, et ainsi de suite, à ce moment-là, ça vient au forefront. C'est très clair et très net. Et c'est la présence de cette conscience-là dans l'homme qui lui permet de ne pas avoir et de ne pas pouvoir demander la question que tu me demandes. Comment tu veux dire? N'oubliez pas une chose. Quand je vous parle toujours avec le respect de vos personnes. Je vous parle toujours avec le respect de vos personnalités. Mais je suis toujours obligé de pousser vos personnes et vos personnalités contre le mur de votre propre intelligence. Parce que les lois de l'intelligence, les lois de la volonté sont formellement organisées de sorte que l'homme qui rentre dans cette énergie-là ne peut pas faire autrement que rentrer dedans. Tu ne peux pas rentrer puis pas rentrer. Tu rentres puis tu rentres. Mais quand tu commences à rentrer, l'énergie commence à descendre puis c'est là que s'effondre le mur. Est-ce que tu veux dire que quand tu appliques ta volonté, ton intelligence, est-ce que tu détruis par le fait même ton calme? Non, ton plan de vie est toujours connu. Toi, tu ne le connais pas. Oui, mais ce que je veux t'entendre, c'est que je pense que tu appliques ta volonté à ça, que tu désires à ça, tu es encore désiré, tu pourrais dire, ben, c'est vrai qu'il m'arrive telle affaire, puis c'est vrai que ça. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que finalement, tu as bien envie de choisir le plan de vie, que tu l'exécutes. Fait que ces deux valeurs-là, on dirait que ça se contredit entre elles. C'est comme... Ça se contredit parce que quand tu es dans la volonté, quand tu es dans ta volonté, quand tu es dans ton intelligence, tu n'es pas intéressé à rien. Tu peux pas... Quand tu es dans ta volonté, tu peux pas dire « je désire ça » ou « je désire ça ». Parce que quand tu es dans ta volonté, la volonté dans laquelle tu es est la volonté de ton être interne. C'est pas la volonté de ton ego ou de ta personnalité. C'est un peu ça dans le fond ma question, là, c'est que quand tu arrives dans ton plan de vie, c'est que tu l'as voulu, c'est de même que ça va marcher, puis d'habitude, ça va se passer tel quel. Puis quand tu commences à appliquer ta volonté, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu changes certains éléments de ta vie, ou est-ce qu'il va comme tu dis, moi, je veux plus qu'il m'arrive à rien dans ma vie qui va me casser les pieds, ou qui va... Alors, ben, si mon plan de vie, dans 84, il me dit, ben, il va m'arriver telle affaire, bam, ça va arriver. Qu'importe... Bon. Quand tu dis, moi te l'expliquer bien clair et bien net. Quand tu dis, je veux plus qu'il m'arrive rien, ok, ça c'est la prise de conscience, c'est une sorte de prise de conscience de l'importance de la centricité, de l'importance de l'identité, puis la compréhension qui se fait au fur et à mesure qu'on avance, du fait qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir, puis qu'on souffre à cause de notre ignorance et tout de suite. Ok, ça c'est un aspect, d'accord. Okay. Mais ça va bien plus loin que ça. Pour en arriver à ne plus souffrir, aucunement, il y a un temps pour ça. Tu ne peux pas arriver à ce temps-là demain matin ou la semaine prochaine. Il y a un temps. En attendant, tu souffres. Quand tu souffres, ben, ça sert parce que tu apprends des choses en souffrant. Parce que quand tu souffres, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Fait que tant que tu souffres, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Alors, tant que tu souffres, c'est pas parce que ça fait partie de ton plan de vie et que ça ne pourra pas être autrement. Ça pourra être autrement. Mais ça ne peut pas être autrement parce qu'il y a des choses à apprendre. Parce qu'il faut que ça passe par là. Alors, la souffrance consciente, c'est la réaction de l'homme à l'énergie qui fait apprendre quelque chose, mais qui fait quoi? Qui fait développer l'intelligence et la volonté. Fait qu'un jour, t'en arrives, tu sais, un jour, t'en arrives, t'as tellement de volonté, t'as tellement d'intelligence que tu peux plus souffler. Alors, quand tu souffres plus, c'est pas parce que les autres, les chiens en haut, ils te donnent un break. Tu souffres plus parce qu'ils sont plus capables de te faire souffrir. Comment est la différence? Descendre. Fait qu'eux autres, les chiens, quand ils sont plus capables de faire souffrir, descendre. Puis à ce moment-là, ben, si eux autres sont pas capables de faire souffrir, il n'y a rien qui peut te faire souffrir. Mais pourquoi si tu peux pas souffrir? Parce que tu n'es pas affecté par la force. Tu n'es plus d'astral. C'est pour ça que tu souffres. Tant que tu as de l'astral, tu souffres. Quand tu n'es plus d'astral, tu souffres. Fait que le phénomène de la volonté cosmique ou de l'intelligence cosmique, c'est pas un phénomène personnel, c'est un phénomène cosmique. C'est le cosmique dans l'homme, et ce cosmique-là dans l'homme se retrouve dans sa vie matérielle si, astralement, il est totalement sans voile. Totalement sans voile. S'il ne peut pas être menti d'aucune façon, ni par lui-même, ni par les autres. Mais tant que tu peux te compter des salades émotives ou des salades mentales, tu es astral, c'est l'astral qui te le permet. C'est ça le phénomène de l'antéchrist. Moi, je parle à vous autres des fois quand je fais des séminaires. Je fais une connexion avec un autre pour les gens me répondre. Ils peuvent pas me mentir. Puis c'est pour ça qu'ils peuvent pas me sentir. Puis c'est ça qui fait que moi, je peux vous parler et vous expliquer comment ça marche le bord. Parce que c'est pas d'eux autres qu'on va le savoir. Pourquoi ça prend absolument quelqu'un qui te semble? Parce que toi, tu as l'erreur personne pour te le dire. Toi. Bon, OK. Vous lisez des textes ésotériques depuis des années de temps. Vous lisez la vie des maîtres, la vie des cibles, des maîtresses. Tout à patente. Puis si vous regardez l'histoire de l'homme, ça a toujours été la même chose. Il y a toujours eu un yo-yo qui est venu avant que ça commence. Il y en a toujours eu des initiés. Puis c'est normal. Je suis d'accord avec toi, mais toi, là, quand c'est arrivé, tu étais un homme comme tout le monde. Tu étais un homme avec un astral. Ben, j'ai un corps comme tout le monde, je suis fait comme tout le monde. Tu étais astral. Quand j'avais un corps astral comme tout le monde, mais ils l'ont fusionné. Fait, quand ils fusionnent. Quand il y a pas de fusion, c'est ouais. Qui a fait ça? Pourquoi tu t'es arrivé? Parce qu'il s'est arrivé. Parce que les corps sont suffisamment forts pour prendre le choc. La seule raison que c'est moi au lieu de toi, ça aurait bien pu être toi, ça aurait bien pu être lui, ça aurait bien pu être elle. Pas elle, il ne traite pas de temps. Il aurait fallu qu'elle vienne d'un corps d'homme. Ça aurait bien pu être lui. C'est juste parce que toi, ils ont trouvé dans la matière quelqu'un qui t'a... C'est parce que ça n'est pas en vibration. Parce que j'avais la résistance pour. Mais la résistance, elle vient d'où? Elle vient d'évolution. Quand tu as de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, tu évolues dans des mondes. Tu as connu la petite game site. Fait que quand tu reviens sans dessin, mais quand tu fais la connexion, tu reviens smack. Ça fait partie de tout le jeu de l'âme, et ainsi de suite. C'est pas juste de l'évolution, pour ça, c'est ça l'évolution. Oui, c'est ça. Puis à part ça, si jamais un jour vous regardez les archives, vous regardez les initiés, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Anyway. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Avec des variations. Allez, on en parle plus tard. Bah! Affaires que tu devrais comprendre ou pas. C'est sûr. Je viens de dire qu'on est capable de pouvoir enlever à notre propre volonté. Puis souvent, tu nous dis aussi, vous n'avez rien à faire. OK, moi, t'avais expliqué. Quand je dis que vous n'avez rien à faire, je veux dire que vos attitudes psychologiques ne peuvent rien faire. C'est pas en ayant, c'est pas par les attitudes que vous pouvez faire quelque chose. C'est en pouvant comprendre ce qui se passe dans votre vie, comprendre, puis en agissant quand ça se passe, selon votre intelligence et votre volonté. Je te donne un exemple. Un exemple que je donne souvent. L'exemple de la belle-mère. La belle-mère, elle t'appelle le matin. T'écoutes. Puis tu sais que ça te fatigue. T'es pas content quand t'appelles le matin, la belle-mère. Mais t'es gêné, puis t'as peur d'y dire, puis qu'est-ce que ton mari va penser si tu y dis, reste-moi dans la paix, appelle-moi dans 2 heures de l'après-midi, je dors le matin, moi. T'es gêné. Bon, mais c'est ça que je veux dire. Quand là, il vient, parce qu'il vient un point, tu te sensibilises à toi, tu commences à vibrer, parce qu'on devient des violons, éventuellement, on devient un orchestre. Puis éventuellement, mais la belle-mère t'appelle, là. Après 2 heures, quand t'appelles la belle-mère, t'as sent la vibration de la belle-mère qui t'appelle. Avant, t'as sent pas, c'est que t'entends le téléphone avant. Mais après 2 ans, c'est plus le téléphone que t'entends. C'est la vibration de la belle-mère que tu sens. Là, tu commences à prendre le fou, puis là, ben, t'as pas rien à savoir encore. Mais 2 ans et demi, là, hop, là, tu commences à sentir. Puis un jour, là, la vibration est assez forte qu'elle te fait vibrer quand tu parles à la belle-mère. Puis c'est là que ça passe, la vibration. Fait que là, il s'est produit quelque chose en toi. Il t'a tué une fois. La crainte de parler à la belle-mère, puis la crainte de la conséquence, puis la crainte de ci, la crainte d'être invité au party la semaine prochaine. T'sais. Fait que ça se fait tout seul. Tu comprends la différence entre l'attitude et l'effort. Quand je dis qu'il n'y a pas d'effort, je veux dire qu'on ne peut pas se conscientiser par nous-mêmes. C'est tout bien pas moi qui m'ai conscientisé. Je me serais suicidé. C'est la lumière qui nous conscientise. En nous mettant des blocs, là. Bon, elle nous explique ce qui se passe dans la vie. Elle nous explique toute le troll là. Puis quand on commence à voir et qu'on voit le bloc, quand tu sais, quand tu arrives à une lumière rouge, je t'avoue, hein, tu sais quoi faire à une lumière rouge. Mais là, les gens, ils arrivent à la lumière rouge puis ils n'en voient pas. Éventuellement, tu commences à avoir la lumière rouge puis tu sais comment, quoi faire quand elle arrive à la lumière rouge. C'est ça. C'est toi, je dis, il n'y a pas d'effort à faire. Mais dans les souffrances, parce que quand ta belle-mère t'appelle, éventuellement, ça devient une souffrance que t'appelles le matin de la belle-mère. C'est là que tu te transmets. Parce que tu es obligé de. Tu suis une forme automatiquement. Elle, elle se fâche, puis elle est toute énervée, puis elle en parle à ton mari ou à ta femme. Qu'est-ce qu'il y a, lui, au travail? Ben, ça te fait. Tu deviens neutre à ça. Fait que tu deviens centrique. Fait que tu comprends quand on vit à tous les jours, puis qu'on vit dans les compagnies, puis qu'on vit dans la vie, puis qu'on vit avec le gouvernement, puis Hydro-Québec, patati patata, chaud. Il y en a en masse des situations de belle-mère. Fait qu'après quelques années, tu comprends le message. Tu deviens centrique. Il n'y a pas d'effort à faire, effectivement. Mais il vient un point que tu es tellement comme un violon, Charlie, fais-toi pas piler ses pieds. C'est même ça, ma fille. Faudra pas qu'il trempe trop vite, toi. Avec ta vibration intérieure et ton système nerveux, tu défoncerais un mur. Ils font lentement. C'est lentement. Lui, c'est pas grave, mais c'est doux, c'est un agneau. Non. Comment qu'il mettrait 200 000 volts? Mais toi, donne ça à petite dose. C'est bien trop mauvais. Chaque homme reçoit sa dose. Demain, ça marche. Ils nous connaissent. Ça va selon le tempérament. Ben, tu disais. Tu peux se raccorder ça avec ce que tu disais tantôt, les excuses? Quelle excuse? Tu disais, on n'a pas d'excuses de ne pas avoir de la volonté et de l'intelligence. Ça veut rien dire si on n'a pas d'excuse de ne pas avoir de volonté d'intelligence. On est dans la condition humaine, on fait partie de la condition humaine. À un certain moment dans la condition humaine, on est éclairé un petit peu, c'est là qu'on peut voir. Mais ceux qui sont les plus évolués, les plus sensibles, parce que les hommes n'ont pas tout le même esprit, moi je peux parler du monde et ils trouvent ça bien du bon sens, je peux parler d'autres mondes, ils vont dire c'est un capoté, ce cas-là. Alors, les gens n'ont pas tout le même esprit. Mais il y a des gens qui ont suffisamment d'intelligence, suffisamment de sensibilité. Puis là, ben, ça grandit, puis éventuellement. C'est bon. Moi, j'ai jamais parlé au pianiste de ma petite fille, le gars qui donne des cours chez nous. Puis l'après-midi, il est venu prendre des cours. Il est venu donner des cours, puis il y a quelqu'un qui est venu dans la maison, son char était brisé. Fait qu'ensuite, il fallait qu'il s'en retourne. J'ai dit, comment est-ce que vous en retournez? Mais il dit, mon ami va venir me chercher. Bon, j'ai dit, je vais demander à ma femme d'aller vous reconduire. Fait que ma femme est allée le reconduire. Fait qu'il était dans sa route avec ma femme. Il dit, Mme Boucher, il dit, je sais pas comment vous expliquer ça, comment vous dire ça. Mais, il dit, je sens que j'ai pas rencontré votre famille pour rien. Ça, c'est le même qui dit ça. Fait que ma femme a dit, vous avez raison. Non. Ma femme, elle confirme toujours ce que l'autre dit, elle va pas rentrer dans les grandes patentes. Il dit, votre mari, c'est un drôle d'homme. Il dit, je vais vous dire ça, qu'est-ce que je veux dire, là. Il dit, je sens que je suis un initié. Ma femme a dit, vous avez raison. Il comprend pas ce qu'il veut dire, ça va loin, le mot initié. Mais elle comprenait ce qu'il voulait dire. Fait qu'il n'a pas pour commencer à se tastiner pour dire, bon, tu penses que tu es un initié, c'est pas ça. Il est un initié. Parce que quand la lumière, elle rentre, puis qu'elle rentre, même si elle rentre un petit peu, puis qu'on change, puis on se marginalise, puis qu'on voit l'homme ici, puis qu'on se voit ici, on est déjà des initiés. Puis, le gars dans le char, il avait des grosses larmes aux yeux. Il dit, ça se pourrait-tu un jour que je puisse rencontrer votre mari par là? Ma femme a dit, faudrait demander. Elle a dit, il demanderait. Fait qu'il y en a du monde. C'est plein de monde qui sentent. Mais ils n'ont pas assez encore de points de référence pour savoir que ce que je sens, c'est ça. C'est l'astral. Mais il y a assez de lumière qui passe à travers l'astral. Mais quand tu ne sais pas parfaitement, tu souffres. Tu te prends pour un yo-yo, tu te prends pour un marginal, tout est de travail, puis tout le monde est fin, quand c'est tout le monde qui est cave, puis tout est intelligent. Alors, faut qu'on ait un support, là. Le support vient d'où? Non. Le support, il vient d'eux autres. Moi, j'étais tout seul, évidemment, mais j'étais tout seul, j'étais pas tout seul, j'étais avec eux autres, j'avais été tout seul, j'aurais jamais pu le faire. C'est eux autres qui m'ont supporté dans le mouvement, c'est la fusion qui m'a permis. Après ça, ben, là, ben, en parlant, il y en a un qui s'aperçoit qu'il n'est pas aussi yo-yo qu'il pensait. Ah, t'es pas aussi calme que tu pensais avant. Bon. C'est le même, ça marche. Mais il faut que ça commence quelque part. Mais ça marche. Mais nous autres, on paye le prix total pour le savoir totalement. Fait que vous autres, vous en bénéficiez totalement au fur et à mesure que vous avancez en votre énergie. Je m'en sac. Irons ailleurs. Je mets les pieds. C'est vaste, l'univers. Bon. Alors, le phénomène de l'Antéchrist, c'est un phénomène insidieux. C'est un phénomène qui coïncide avec la nature même de l'homme. S'il y en a un qui me dit, ben oui, bon, on s'en va tout vers. Le point n'est pas là, pas tout. C'est évident qu'on s'en va tout vers. Mais tant que t'es titre, c'est aussi bien de prendre la shot quand t'as peur. Puis dire qu'on s'en va tout vers, ça, éventuellement, anyway, ça veut rien dire. C'est simplement une c'est un tampon psychologique. Le point n'est pas là. Le point est qu'on doit réaliser dans cette vie-ci, dans ce temps-ci, qu'on va vers là et qu'on doit y aller vers là. Et tu ne peux pas réaliser que tu t'en vas vers là si tu n'as pas la vibration, anyway. Fait qu'à ce moment-là, tu peux rationaliser ou tu peux espérer aller vers là. Moi, j'ai rencontré des purs étrangers dans ma vie qui m'ont dit « Je suis un immortel. » J'ai dit « Je le sais. » Quand un gars sur la rue peut dire qu'il est un immortel, Charlie, il est pas mal au bout. Fait qu'il n'a pas besoin de rencontrer Bernard à Montréal. Autrement dit, il sait dans son instant quelque chose qu'il découvrira et qu'il développera au fur et à mesure qu'il va avancer. Il faut qu'on le sache tout de suite. Et pour le savoir tout de suite, il faut qu'on soit totalement conscient de l'influence astrale dans nos vies. À tous les niveaux. Et qu'on réalise que c'est l'astral, la conscience antichristique dans l'homme qui empêche l'homme de savoir. Si tu n'avais pas l'astral, toi, là, tu n'en aurais pas une crise de questions dans ta tête. Pas une! Tu auras la tête vide, puis ça sera comme un soleil dans ta tête. Puis c'est ça le phénomène de l'Antéchrist. Un de ses aspects. L'aspect le plus dangereux, le plus insidieux. L'Antéchrist comme phénomène personnalisé, ça, je peux pas vous en parler. Mais l'Antéchrist comme phénomène astral, l'Antéchrist comme phénomène de pénétration de la conscience astrale dans l'homme, qui engendre de plus en plus sur la Terre de la folie, de l'insécurité, qui crée de plus en plus d'aliénation dans l'homme, il est temps que les gens le réalisent. C'est pour ça que c'est si délicat notre réalité. C'est si fragile notre réalité et pourtant c'est si solide notre réalité. Elle est rendue fragile notre réalité par quoi? Par notre astralité. Si tu te couchais un soir, là, puis tu te voyais dans ton sommeil, tu te voyais. T'aurais assez peur, mon cher, tu sauterais de même dans ton lit. T'en chierais tes culottes. Pourquoi? Parce que l'astral ne permet pas que tu te vois. Fait que quand tu te vois pas, tu te sais pas. Fait qu'il faut que ça s'effondre, l'astral. C'est pour ça que les gens ont de la crainte, puis tout ça de si les hommes se voyaient, les hommes ne se voyaient pas. On pense qu'on est ce qu'on est. Voyons. Faut pas être catène. On pense qu'on est ça. Des yeux aînés ben zizi. Voyons. Mais pour avoir accès à ce qu'on est, on doit comprendre les lois de la forme qui sont les lois de l'astral pour qu'on puisse atteindre un peu notre intelligence. Je parle d'intelligence. C'est extraordinaire de l'intelligence. Puis moi, ça me bouleverse le fait de savoir que les hommes, que l'homme n'a pas accès à son intelligence, ça me découpe. Ça me bouleverse, je me sens comme un poisson en dehors de l'eau quand je contemple ça. Qu'un homme n'a pas accès à son intelligence, mais je le comprends. Mais c'est pour ça que je l'explique. Pour que les hommes aient accès à leur intelligence. Je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà expliqué qu'il y a des trinités. Il y a une trinité satanique comme il y a une trinité de lumière. L'Antéchrist fait partie de la trinité satanique. L'Antéchrist, c'est la force opposée à ce que vous autres vous appelez le Christ. Comme Lucifer, c'est la force opposée à ce que vous appelez vous autres le Père absolu. C'est une autre volonté. Lucifer représente le principe de la volonté comme le Père absolu représente la volonté. L'Antéchrist représente le mensonge comme le Christ représente la vérité. Satan représente l'absence totale d'intelligence comme l'esprit représente l'intelligence. Mais laissez-moi vous dire que quand je dis que Satan représente l'absence totale d'intelligence, je ne veux pas dire que ce principe-là n'est pas intelligent. Il est mauditement intelligent. Mais c'est pas une intelligence comme la nôtre. C'est pas une intelligence comme l'intelligence de l'esprit dans la lumière. Tu connais ça, une barbotte? Tu connais ça, une truite? Quelle place ça se déplace, une barbotte? Ça se déplace dans le vase, c'est crasseux. Elle fait ses mouvements. Elle a son intelligence dans le vase. Puis la truite, il faut que ça soit de l'eau bien claire, sans engrais. Bon, mais c'est la différence entre l'intelligence satanique et l'intelligence de la lumière. Puis nous autres, les hommes, depuis des millénaires, pour des raisons de densification de nos principes, pour des raisons de construction, pour des raisons d'évolution, pour que l'homme devienne ce qu'on est aujourd'hui, a été obligé de passer par la vase pour en arriver à l'autre l'air. Mais on était tellement dans la vase qu'aussitôt qu'on rentre dans l'autre l'air, on panique. C'est comme le gars qui est enfermé d'une boîte, il n'y a pas de lumière pendant 10 ans, tu le rouvres, tu le sors de la boîte, il est aveuglé. C'est le même phénomène au niveau de l'esprit. Ça, c'est le phénomène au niveau des yeux, mais le même phénomène existe au niveau de l'esprit. On est aveuglé. On a la chienne. Là, on tremble. Si tu vrai, c'est pas vrai. Si tu vrai, c'est pas vrai. Si tu bon, c'est pas bon. Puis on réalise pas que la recherche pour nous autres de la vérité, du vrai et du pas vrai, ça fait partie de notre aliénation dans l'astral. Un homme qui est dans le lien, il n'est pas intéressé au vrai ou au pas vrai. Mais un homme qui est teinté par l'astral, même s'il est bien bon, même s'il est bien spirituel, il va être pogné dans le vrai et du pas vrai. C'est pour ça que je dis dans le réel, ça n'existe pas le vrai et du pas vrai. Mais quand est-ce qu'on va le comprendre, ça? Qu'on va le comprendre suffisamment pour pouvoir vivre, une fois pour toutes, dans notre tête, au lieu de vivre dans nos sentiments de tête. Quand on vit dans notre tête, on est bien. T'es assis ici, il se passe rien dans ta tête, t'écoutes, c'est vide, t'es bien. Mais quand tu t'en vas chez vous, ça recommence en go, l'astral. Mais il faut que tu en arrives à retourner chez vous, puis ça continue vide comme quand t'es ici. Là, c'est parce que t'as pas la chance de te mettre quelque chose dans la tête. Mais quand tu t'en retournes chez vous, ça vient. La belle-mère t'appelle, tout le set recommence en go. Mais les deux forces, c'est juste créer. Laisse-le faire, Chris! Vous voulez toujours connaître la mécanique des mondes, vous autres. Laissez-les faire la mécanique des mondes. Occupez-vous autres de votre propre mécanique. Laissez-les faire les planètes, puis les forces, puis les ci, puis les ça. Occupe-toi de toi. Quand tu vas t'occuper de toi, tu vas en arriver à te découvrir toi, bien automatiquement, tu vas savoir ce qui se passe l'autre bord. Mais si tu t'occupes de ce qui se passe l'autre bord, c'est encore de l'astral. Non, mais le fait qu'on est là, c'est le fait que t'es où? T'es bien là? Bon, ben, assis-toi, écoute. Laisse faire les forces, puis comment ça marche. C'est ça de l'astralité. Quand tu fais ça, comment ça marche, ça, tu nourris ton intellect, tu nourris ta mémoire, automatiquement. Un homme n'a pas besoin de penser pour savoir. Puis un homme qui sait n'est pas intéressé à rien. Pas intéressé à rien. Quand tu sais, t'es pas intéressé à rien. C'est quand tu sais pas que tu veux savoir. C'est ça l'astral. C'est écœurant le phénomène de l'antichristique. De l'antichrist, en plus, on vous dit. Ça fait partie de notre condition humaine. Puis c'est de ça qu'on sort, puis c'est de ça qu'on sort. Quand t'en sors, t'es bien. Tu vas chez Eaton. Tu bois du coke. Moi, c'est pas là que je me sens pas normal. C'est quand le contact est comme brouillé, il y a quelque chose qui passe pas. C'est trop vague. D'accord. Attends que ça se débrouille. Ça peut pas se débrouiller tout d'un coup, puis ça se débrouille. La conscience, quand tu deviens conscient, tu te conscientises, tu peux pas reculer, ça descend cette affaire-là. Fait quand t'en as, c'est ça, nos souffrances. Ça, c'est tes souffrances. Elle, elle est sienne, lui est sienne, lui est sienne. Ça, c'est tes souffrances. Je vous l'ai dit, vous avez tout souffert. Tu peux pas rentrer en conscience en souffrir. C'est un déplacement, puis un déplacement, puis un déplacement, puis un déplacement. Fait que tu souffres. Vas-y. Qui est le pire dans la condition humaine, c'est que ce que l'on considère comme étant bon, ce que l'on considère comme étant plausible, ce que l'on considère comme étant intelligent, ce que l'on considère comme étant normal, c'est anormal. Puis, l'ultime aspect de ça, c'est qu'on considère que penser, c'est normal, puis c'est anormal de penser. On pense pas dans la vie, on communique avec la vie, mais on pense jamais. Penser, c'est mortel. Tu penses automatiquement, tu soulèves en toi des sentiments, puis automatiquement tu t'astralises. Il y en a des fatigants qui sont durs à passer. Il faudrait avoir les seuls. Ouais, mais quand tu le sais, tu sais déjà quelque chose. Je dis pas si ça va pas. Mais quand tu le sais, la petite Manon là, qui était pognée pendant des années avec trois, quatre entités écœurantes, là. Là, en éliminé deux, il en reste encore deux. J'ai dit, Christ, t'es correct. Tu n'en avais quatre, là, t'en as deux. Petite fille. Là. Elle a souffert, elle. Tout est chanceux, t'as pas ce problème-là. Mais t'as des tiens. Puis tes problèmes sont aussi importants que les tiens. Un petit verre vide, c'est aussi bien qu'un verre, un gros verre vide. Non, pas ça, vous l'avez. Chacun vit sa souffrance quand elles sont terribles. C'est ça. C'est ça. Mais quand tu commences à savoir. Nous autres, il y a quelqu'un qui me demandait une fois, il disait qu'est-ce que c'est l'avantage qu'on a dans la province de Québec? J'ai dit l'avantage que vous avez dans la province de Québec, c'est que pas la philosophie du supramental, mais l'explication des principes de la conscience supramentale, l'exercice du pouvoir supramental dans l'homme, le mouvement puis la descente volontaire du pouvoir du supramental dans l'homme, l'exercice de ce pouvoir-là sur la Terre commence dans la province de Québec. C'est ça la valeur qu'on a dans la province de Québec. Il faut bien que ça commence quelque part. Mais ça veut pas dire que ça se finit ici. Puis ça veut pas dire que c'est dans la province de Québec que ça marche. Mais on a l'avantage dans la province parce qu'il faut que ça descende dans la matière. Il faut que ça descende quelque part. On a l'avantage dans la province de Québec que ça commence ici. Le noyau de la sixième race est dans la province de Québec. Fait qu'on a avantage à comprendre énormément de choses bien vite pour que d'autres personnes plus tard puissent bénéficier de ça. Il y a des psychologues qui vont fonctionner d'ailleurs, il y a des psychiatres qui vont fonctionner d'ailleurs, il y a des médecins, des plombiers, tout ça de monde qui vont fonctionner plus tard. Fait qu'on a un grand avantage. Fait que quand tu commences à comprendre ce qui se passe dans ta tête, c'est évident que c'est pas un cadeau, mais au moins tu commences à comprendre ce qui se passe dans ta tête. Quand tu te penses différent de tout le monde depuis des années de temps, tu commences à t'apercevoir que t'es pas si différent que ça, que dans le fond tu lis différent, mais c'est bien normal. Comment c'est pas pire, déjà? C'est quand tu souffres plus de ta crise d'identité, tu penses-tu qu'un moine comme lui, chose, ne souffrira pas d'une crise d'identité? C'est pas un cadeau, cette affaire-là. Mais c'est normal qu'il soit de même. Ça fait partie de toute la programmation de ses corps, de son intelligence, de son émotion pour passer de l'autre bord. Mais quand tu commences à comprendre, ben, que tu sois drôle ou que tu sois pas drôle, t'es pas drôle. Je prends lui comme exemple parce que c'est flamboyant, lui, son individualisme au niveau de sa personnalité. Mais quand l'ego souffre plus de lui-même, chose, comment que t'aurais des oreilles jusqu'ici? T'es bien, t'entends plus les autres. Parce que notre personnalité physique, le domaine matériel de notre esprit dans la matière, est construit, programmé, et ainsi de suite, pour justement l'évolution de notre esprit. Si on était trop parfait sur le plan matériel, on ne pourra pas évoluer. Parce que ça prend toujours une résistance pour la pénétration de la lumière d'un plan inférieur. Ça prend toujours une résistance. Si t'es bien beau, ben, tu seras bien orgueilleux. Si t'as un nez qui te pousse ici, ben, ça te crée des tensions. C'est tout quelque chose. Ça sert, simplement. Quand tu comprends ça, tu connais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit on met la hache dans quelque chose? Parce que c'est pas une attitude, ça. Mais quand tu commences à avoir des pensées qui reflètent quelque chose qu'on pouvait pas sentir avant, comme... Quand tu dis que... Parce que ça peut pas être une attitude de manipuler la lumière. Pour que ça devienne une réalité, il faut qu'on sente que c'est ça qu'on fait. Moi, je peux pas commencer à faire de la lumière. C'est là que tu marches, là. Mettre la hache, c'est agir dans ta volonté et ton intelligence réelle. Tu peux pas mettre la hache avant. Si tu mets la hache avant le temps, tu vas créer des splinters dans le wood. Tu peux pas. Ça, c'est une attitude. Mettre la hache, c'est changer la vibration de ton corps astral. Ton corps mental. C'est ça, mettre la hache dedans. Il y en a qui sortent des similaires et ça va mettre la hache tout de suite. Je jure que ça retourne tout à l'heure. Il y a un temps, tu peux pas mettre la hache. Tu dis, il y a un temps, tu marches, il y a un temps. Puis quand s'il vient ce temps-là, c'est parce que ta vibration, puis quand ta vibration, ta mère, elle se met. Comment tu voudrais pas la mettre? Elle se met pareil. Quand elle se met pareil, quand c'est la hache, elle se met toute seule, c'est parce que c'est le temps. Tant qu'elle se met pas toute seule, c'est toi, gamin, c'est pas le temps. Ça, je veux dire, les attitudes. C'est ça qui revient à dire qu'on a rien à faire, on n'a pas d'effort à faire, parce que quand la lumière descend, elle peut aller dans cette direction. Elle t'amène à mettre la hache. OK, il y a un autre aspect dans l'Antéchrist que je vais expliquer. L'aspect de la politique cosmique de l'Antéchrist. Nous autres, sur la Terre, en tant que race humaine, on doit être nourri. On était nourri pendant des siècles. On doit être nourri. On doit être nourri parce qu'on ne peut pas se nourrir soi-même. Et quand on est nourri, la nourriture qui nous est donnée, elle nous est toujours donnée selon un point de vue qui rassure l'homme. Selon un point de vue qui permet à l'homme d'être assimilé. C'est où assimilable? C'est assimilable le concept de l'antéchrist. Mais quand on rentre dans l'intelligence, on ne peut plus être nourri. Un homme qui rentre dans l'intelligence ne peut plus être nourri. Et s'il ne peut plus être nourri, comme par exemple par le concept de l'antéchrist, il doit comprendre que c'est que ça veut dire, ce concept-là, parce que si ça a été donné à l'homme, ça n'a pas été donné à l'homme pour rien. Alors, il faut que l'homme le cuisine, ce concept-là. Et pour qu'il le cuisine, il faut qu'il ait accès à sa propre intelligence. Parce que c'est seulement dans sa propre intelligence que le voile qui a servi de nourriture à l'homme tombe. Et quand le voile tombe, que l'homme rentre dans l'intelligence et comprend ce que ça veut dire l'antéchrist, qu'est-ce que ça veut dire le Christ, qu'est-ce que ça veut dire ici, qu'est-ce que ça veut dire ça, à ce moment-là, il apprend la nature réelle du concept et comprend la mécanique qui a permis que ce concept-là serve à l'humanité, mais le desserve lui. Ça, c'est un point de référence pour tout le monde. Quand l'homme rentre dans son intelligence, la première chose qu'il doit apprendre, c'est de détruire tout ce qui a nourri l'homme dans l'humanité dans le passé. Enregistre ça, Croteau, parce qu'on en parlera. Quand un homme rentre dans l'intelligence, c'est bon pour tout, c'est Louis Farmer. Enregistre ça, on va en parler après. Quand un homme rentre dans l'intelligence, il doit apprendre à détruire ce qui a nourri l'humanité. Pour 5 raisons. La première raison, c'est parce que quand tu rentres dans l'intelligence, tu es obligé de ne plus croire. Quand tu rentres dans l'intelligence, tu es obligé de savoir. Quand tu rentres dans l'intelligence, tu es un maître. Quand tu rentres dans l'intelligence, tu maîtrises l'intelligence de la lumière. Puis quand tu maîtrises l'intelligence de la lumière, ça veut dire que tu es capable, à ce moment-là, de connaître et de comprendre les mystères de l'évolution, les mystères de la vie, et de te désaffranchir émotivement, astralement, de la forme qui a servi à assujettir l'humanité. Pour une raison importante, c'est que quand tu rentres dans l'intelligence, tu n'es plus affecté par rien. De sorte que si tu n'es plus affecté par rien, toute l'éducation et l'alimentation qui a été donnée à l'homme, qui a été soutenue astralement, par les forces de lumière dans l'astral, comme par les forces négatives dans l'astral, ne peut plus te servir. C'est pour ça que l'homme qui rentre dans son intelligence sur la Terre doit avoir une intelligence supérieure aux morts. L'homme qui est dans l'intelligence sur la Terre doit avoir une intelligence supérieure aux morts. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça va répondre un petit peu aussi à ton intervention tout à l'heure. Quand tu meurs, et que tu n'as pas été capable, dans une évolution planétaire, comme la Terre, d'atteindre ce qu'on appelle pour le moment le plan de l'âme, même si tu meurs, tu ne pourras jamais atteindre le plan de l'âme. Croto, rappelle-toi de ça. Je vais le continuer. Qu'est-ce qui m'énerve? On le continuera, ça. Parce que l'homme, la Terre, le globe terrestre, la conscience sur la Terre, c'est une conscience expérimentale. Et une conscience expérimentale dans le langage de ceux qui exécutent les plans d'évolution dans l'invisible, c'est une conscience qui est donnée à des êtres sur un globe pour qu'un certain nombre, puisse, à la fin du cycle, être libéré des conditions qui ont permis l'apparition de cette conscience-là sur le globe. Fait que quand un cycle finit, qu'il reste une grosse batch de monde qui ne peuvent pas passer sur un autre plan de mutation, ceux qui ne peuvent pas passer sur l'autre, dans cette autre batch-là, retournent à la mort, mais quand ils retournent à la mort, ils ne peuvent plus jamais revivre les conditions évolutives de l'âme dans un cycle parallèle. Parce que quand l'homme s'immortalise, quand l'homme entre en contact avec la lumière, automatiquement, il y a la destruction de par sa volonté, de par son intelligence, de par la transmutation de ses principes, l'énergie de l'âme, elle est détruite. Et étant détruite, cette énergie-là, étant le pont entre la lumière et lui pour l'involution, dans l'évolution, le pont n'existe plus parce qu'il est devenu lumière. L'âme est détruite et la destruction de l'âme crée quoi? Elle permet à l'esprit de l'homme, l'identité de l'homme, d'avoir été rendue ce qu'elle est parce qu'elle a transmuté l'âme dans ses principes inférieurs. Autrement dit, t'as l'ajusteur de pensée, t'as l'âme, t'as l'âme. Tant que l'homme est dans l'évolution, l'âme sert à l'homme. L'homme est assujetti aux lois cosmiques du gouvernement invisible. Quand l'homme rentre dans l'évolution, parce qu'il y a de la lumière qui lui est donnée, automatiquement, il transmute, c'est-à-dire que il prend l'énergie de l'âme, qui était auparavant le pont entre lui et la lumière, et il assimile cette énergie-là dans son mental, son émotionnel, son vital. Alors, l'âme avant qui était indépendante de l'ego, qui permettait à l'ego de mourir, qui retournait sur son plan, l'âme ne peut plus retourner sur son plan. Et l'âme ne pouvant plus retourner sur son plan, elle est intégrée à l'esprit de l'âme. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle le plan individuel de la tombe de l'homme, qui est l'éther. C'est un monde totalement nouveau. C'est une nouvelle possibilité d'évolution. Et c'est inimaginable, alors. Mais pour que l'homme en arrive à vivre ça, il faut que, à un certain moment, dans tout le cycle de l'évolution, que l'homme soit suffisamment fort dans le mental, l'émotionnel, et éventuellement dans le vital, pour transmuter l'énergie de l'âme en lui, se l'accaparer, se l'intégrer pour la mutation. Et à ce moment-là, il y a individualisation totale. L'homme travaille en collaborateur avec l'intelligence dans l'évolution des univers absolus. Alors, ce que la cosmogonie, celui qui s'occupe de ça, vous, là, votre mari, là, dans la cosmogonie du Rancia, quand ils disent... Hein? Donc, c'est Fréau. Ah, Fréau. Tu sais qu'il y en a-tu qui s'occupent de la cosmogonie rancière, qui ont lu ça? Lorsqu'il parle de la fusion entre l'ajusteur de pensée et l'âme, c'est vrai? L'ajusteur de pensée et l'âme, la fusion s'accroît et s'accroît et s'accroît et s'accroît et s'accroît et s'accroît. Jusqu'au moment où l'homme, l'être, est suffisamment avancé pour que ce qui était la fusion entre l'ajusteur de pensée et l'homme deviennent totalement renversés pour qu'il y ait union entre l'ajusteur de pensée et l'homme. Alors, tu pars de la fusion à l'union totale. Tu pars de la fusion dans ce sens que la fusion, c'était l'expérience où il a été donné à l'esprit de l'homme de détruire l'âme. Et si l'homme ne peut pas, dans une évolution planétaire, quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, dans une évolution planétaire, arriver à ce stage, il meurt, et ce qu'il devient, c'est mémoire. Uniquement. Quand tu meurs, tu deviens mémoire. Uniquement, et tu es prisonnier du temps, et tu es prisonnier totalement de l'astral. Est-ce que ça veut dire que tu as manqué définitivement le coup? La question de ce que as-tu manqué le bateau, c'est une question de l'ego. C'est une question intellectuelle. Tes titres, là, tu peux pas te demander pourquoi est-ce que je suis pas ailleurs. Tu pourras toujours faire de l'overtime et te le demander. Tu vas dire? Mais tu en arriveras à dire, mais je suis titre. Le hasard n'existe pas. Bon, si tes titres, si t'es là. Puis les hommes, que tu sois n'importe où sur terre, quand t'es prêt, t'es prêt. Que tu sois en Afrique ou en Amérique du Sud ou au Québec, t'es prêt. Fait que ça répond à ta question. Alors, dans une vie, on réalise certaines choses, et quand on réalise certaines choses, c'est là qu'on prend conscience de soi-même, et quand on prend conscience de soi-même, nos corps commencent à transmuter. Mais quand on meurt, on devient mémoire. Et notre mémoire sert à la construction de principes supérieurs dans d'autres événements cosmiques. Y en a-tu que... Dans ta tête, demande qu'est-ce que c'est mort. C'est un humain qui est parti. C'est un humain qui est parti, OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Hitler. Qu'est-ce que ça veut dire? Un arrêt. De quoi? De son évolution. Qu'est-ce que ça veut dire de son évolution? La pénétration de la lumière dans son principe. Exactement. Parce que la lumière ne peut plus descendre. La lumière doit descendre dans la matière. Parce que il y a la lumière, il y a l'astral et il y a le monde matériel. Et l'astral est une fabrication. L'astral est une fabrication de toutes pièces. La matière est terminale et la lumière est originale. Et dans le fond, entre la lumière et la matière, écoute bien ça, Grotto, entre la lumière et la matière, il ne devrait pas y avoir d'espace. Mais il y en a. C'est les plans astrales. S'il n'y avait pas d'espace entre la lumière et la matière, on n'en parlera plus tard. Mais il y a un espace. Des mondes. L'espace, c'est l'état... L'astral. Moi, l'astral, je n'en pas ça à ma façon. Il ne devrait pas avoir d'espace entre la lumière et la matière. Mais il y en a. Parce que c'est évident que si on dit que l'homme, un jour, doit faire partie de la hiérarchie, il y a bien des aspects de comprendre ça. Il fait-tu partie de la hiérarchie des mondes invisibles? Il fait-tu partie de la hiérarchie de la lumière? Il fait partie de quoi? J'en parle vite. C'est pour ça que je dis que nous autres, les hommes, dans nos personnalités, dans notre petit moi, qui est la manifestation de notre personnalité, d'où ça vient le moi? Mon moi? Quand tu dis moi, il y a une densité dans ta tête, ton moi. Tu peux le mettre quelque part ici, ton moi. Ton moi, c'est quoi? C'est ta conscience astrale. Fait que tant que vous pouvez vous dire dans votre tête, moi, mon moi, que vous pouvez sentir une densité à ça, c'est votre astralité. Un jour, vous ne pourrez pas dire « moi » parce que ça n'a plus de résonance. « Moi », vous serez dans votre être. Parce que ça va loin. On parle toujours du petit moi et du grand moi. C'est du petit moi et du grand moi. Pourquoi est-ce qu'on parle du petit moi et du grand moi? Parce qu'on ne veut pas parler du petit moi. Ça fait qu'on dit « le petit moi, il est dans le grand moi ». Mais c'est pas vrai, le petit moi n'est pas dans le grand moi. Dans le grand moi, il n'y en a pas de petit moi. C'est comme ça que les anciens auraient dû parler à l'homme. Ils auraient dû dire à l'homme, dans le grand moi, il n'y en a pas de petit moi. Fait que s'il n'y a pas de petit moi, il n'y a rien. Fait que s'il n'y a rien, là tu es, whatever. Mais non, on veut notre petit moi, puis on veut le mettre dans le grand moi, pas le pape. Puis le petit moi de l'homme, c'est sa conscience astrale. Fait que qu'est-ce que tu fais le soir quand tu rêves? Tu vis la partie de la mémoire de ton petit moi. Tout d'un coup, ton moi réel, toi, ton être, il regarde dans le monde où il se promène ton petit moi, puis là ton petit moi il se retourne de bord puis il voit l'autre, il freak net. Parce que ton petit moi n'est pas réel. Ton petit moi, c'est de la mémoire. C'est l'accumulation de formes à toutes les sauces qui se retournent devant ton être, qui est immense, c'est très grand et dans la lumière, il gèle. C'est pour ça que l'importance pour l'homme de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre, de comprendre qu'il n'y a rien à saisir, de comprendre qu'il n'y a rien à faire, de comprendre qu'il n'y a rien à foutre, de comprendre que sa vie, c'est pas ses affaires, c'est très grand. Donc à ce moment-là, quand vous entrerez dans cette compréhension-là, dans cet état-là, parce que c'est un état, à ce moment-là, vous saurez qu'est-ce que c'est votre être, et vous réaliserez la condition de votre être en relation avec le mien. En attendant, ben, toastez-vous à votre petit moi. Mais il faut que je vous explique le petit moi, puis comment ça fonctionne, pour que vous réalisiez que un jour, vous ne pourrez plus sentir votre petit moi. C'est là que vous allez vivre la grande solitude, parce que le petit moi, il s'ennuie quand il s'en va. C'est énervé. Il aime ça se sentir. Il est autour des parois, il y a des murs. Des sentiments de l'intellect, c'est des murs. Il vit à l'intérieur de son assiette, le petit moi. Mais quand il n'y a plus d'assiette, là, il commence à vivre la grande solitude. C'est le signe qu'il rentre dans son être. Parce que quand tu rentres dans ton être, que tu commences à sentir ton être, de vivre de ton être, tu es automatiquement seul sur la terre. Parce que sur la terre, il n'y a absolument rien pour ton être qui vaille la peine d'être vécu. Mais il y a bien des affaires pour ton petit moi. La télévision est en amour, les dit tout ce qu'on vit. Alors, vous êtes dans un combat perpétuel entre votre conscience astrale, la mémoire, toutes les mémoires là-dedans, et votre intellect. De sorte qu'il y a un rapport constant entre la vérité et votre conscience intellectuelle. Et c'est ça qui vous crée moi j'appelle ça des cauchemars de l'esprit, des tensions dans le mental. Je me fais jouer des tours, je me fais pas jouer de tours. Jusqu'à temps que ça se plaît, ça se plaît, ça se plaît, ça se plaît. Puis éventuellement, c'est plus rien. C'est vide. Nous autres, on pense que notre petit moi, on pense qu'il est petit. Mais dans le fond, il n'est pas ici, lui non plus. Il est dans un autre plan, parce que ça, c'est une matière, c'est des pauvres et des autres. Il est réellement dans un autre plan, auquel on a plus facilement accès, soit quand on dort. Mais on vit énergiquement de ce plan-là le jour. On ne vit pas le jour des formes de ce plan-là. On vit de l'énergie de ce plan-là. Quand le plan est trop fort, là, quand il affecte trop notre être, autrement dit, quand il affecte trop nos sens, qu'est-ce qui se passe? On hallucine. Et halluciner, ça veut dire voir, l'avoir avec nos yeux, notre mémoire. Parce que quand tu es rendu à voir avec tes yeux ta mémoire astrale, ta mémoire, évidemment, tu as des problèmes psychologiques. Mais en général, les hommes ne vivent pas cette expérience-là, généralement. Mais souvent, les gens ont une grande sensibilité, la vie. Alors, le petit moi, quand est-ce qu'on le perd? Quand est-ce qu'on sent plus ça, ça fait le petit moi? Qu'est-ce que c'est Bernard de Montréal? Je ne sais pas, c'est Bernard de Montréal. Ça n'a pas de résonance, ça, Bernard de Montréal. Quand est-ce qu'on le perd, ça? On le perd quand on ne vit plus en nous l'astralité. À ce moment-là, notre personnalité est au service de l'esprit, de la lumière, et non au service de l'astral. Et non au service de l'âme. Et non au service de l'intellect. Alors, même si les hommes sont bons, sont fins, sont ci, sont ça, et même si les hommes sont spirituellement protégés par des forces qui coïncident avec des actions positives les hommes sont encore prisonniers de l'homme. Autrement dit, sur la Terre, il est là le point de référence que je veux faire, sur la Terre, tant que les hommes ne seront pas dans la lumière, même s'ils sont dans la spiritualité, dans la bonne action, et ainsi de suite, ils seront sous les emprises de l'Antéchrist. Et c'est pour ça que, dans le phénomène humain, dans la politique mondiale, dans la politique ecclésiastique mondiale, quand on voit des cardinaux qui parlent à la télévision, mais on des présidents de pays, des grands bonhommes, pourquoi est-ce qu'ils disent pas la Russie c'est ça, puis l'Amérique c'est ça, puis la Russie c'est ça, puis l'Amérique c'est ça, puis la Russie c'est ça, puis l'Amérique c'est ça? Non, c'est toujours, on fait des insinuations, on appelle ça le sens diplomatique des choses. Puis aussitôt qu'il y en a un qui parle un petit peu plus raide, là, whoop, ça crée toute une vague de fond dans le monde. Tout le monde s'énerve. Un homme qui est dans le monde aujourd'hui, qui a une position sociale, une position politique dans le monde, qui est président d'un pays ou ainsi de suite, qui ira à la télévision, mais aux Nations Unies, puis qui arrivera au podium, puis qui expliquera comment est-ce que ça marche, les affaires. Soit qu'il se fasse descendre ou qu'il est protégé par les extraterrestres. Un et deux. Pour qu'il soit protégé par les extraterrestres, il faut que ce soit le mien, pour qu'il se fasse descendre. Comment, lui? Parce que ça va loin. L'astral. Ça va loin, l'antéchrist. Antichrist. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire anti-lien. Puis le lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire la perfection. Ça veut dire le réel. Ça veut dire ce qui n'est pas astral. Fait que si t'es dans le monde, tu conditionnes tes sentiments, tu conditionnes ton intelligence, tu conditionnes ce que tu dis par des sentiments, par une astralité quelconque, t'es antichristique. Comment tu seras bien fin, tu seras plein de médailles, tu seras plein de rubans mauves? Tu fais partie de l'évolution. Et de l'espoir. Comment est-ce que tu veux que les masses disent « Ah, en voulant un homme qui parle, il n'y en a pas. » Je m'en crispe leur conscience parce qu'il n'y en a pas de conscience en terre. Même chose. Parce que quand t'es dans la lumière, t'es dans la lumière, Charles. Et moi, si j'étais président de pays, je créerais des chocs énormes. Parce que c'est la lumière qui marche. C'est pas l'astralité. On peut rationaliser n'importe quoi, mais on réalise pas que l'homme ne peut pas changer dans le monde tant qu'il n'y a pas de choc. Parce que qui c'est qui écrit les chocs? Qui c'est qui écrit? Ce sont les forces astrales. Dans la personnalité de qui? De tout ce qui diminue l'homme, qui est manifesté au niveau national par le système communiste, le russe. Les forces réellement aggravantes de la condition mondiale, Kadhafi et compagnie. Quand je parle de la Russie, je ne parle pas de la Russie, de ça. Je parle du système. Quand je te parle, quand je vous explique la situation comme je vous l'explique, je vous dis pas que les gens dans le monde qui parlent comme ça n'ont pas raison de parler de même. C'est pas ça. Je dis que les gens dans le monde parlent comme ça parce qu'ils sont astrales. S'ils n'étaient pas astrales, ils ne pourraient pas parler comme ça. Bon, je te donne un exemple. Imagine-toi le Nazaréen, le praline à son temps, de 2000 ans, puis ramène-le au 20e siècle, lui. Okay? Penses-tu qu'il considérait astralement les relations mondiales, les relations internationales, les relations politiques, les relations diplomatiques, lui? Comprends-tu ce que je veux dire? Comprends-tu le point que je veux dire? Pardon? C'est un petit peu ce que je veux dire. C'est ça un petit peu ce que je veux dire. Fait qu'imagine-toi, puis Luther King, si t'as pas aligné, il peut être qu'il est mort. Alors si... Comment tu sais ce que je veux dire? Imagine-toi dans le monde. Si les hommes qui conduisent les affaires d'État, étaient dans la lumière, n'étaient pas conditionnés par l'astral dans leur esprit. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Soit qu'ils soient, ils se fassent descendre, ou soit qu'ils soient protégés par des forces extérieures. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Tu comprends pas ce que je veux dire? C'est pas ça que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est le même que ça se passe. C'est pas ça que je veux dire, pas ça. Je vous parle d'un autre point de vue. Je vous parle du point de vue de l'homme supplémentaire. Je vous parle du point de vue de l'homme qui est dans la lumière. Je vous parle du point de vue de l'homme qui n'est plus contaminable astralement. Autrement dit, je vous parle du point de vue de l'homme dont l'esprit, lorsqu'il se manifeste dans le monde, se manifeste selon les lois de la lumière et non selon les lois de l'astral. Cet homme-là, qui soit dans n'importe quelle position sociale dans le monde, président de pays, n'importe quoi, ne pourrait pas diminuer la puissance de l'énergie dans son mental pour avoir ou vivre une sorte de connivence psychologique astrale avec les gens. C'est ça, je veux dire. Ça va? Ah, il m'a fini mon affaire, là. Dans les années qui viennent, ça vient. Il y en a un, là, qui s'en vient. Des années qui viennent. Il va être connu dans le monde entier, ça. Il sera connu comme Jean, d'ailleurs. Et cet homme-là, quand tu vas rentrer dans le monde, cet homme-là sera lumière. Et quand tu vas rentrer dans le monde, sa conscience, son intelligence, ne sera pas conditionnée par son astralité. Et automatiquement, étant la lumière, il aura le pouvoir de se protéger. Les nations ne pourront rien contre cet homme-là. Les forces ne pourront rien. Les forces astrales ne pourront rien contre cet homme-là. Il s'en vient. Vous comprenez pas qu'il comprend pas, c'est que lui, il essaie de superimposer un point de vue intelligent à une explication cosmique. Alors, son point de vue intelligent, je comprends ce qui se passe dans le monde. Il a raison, il devrait être frappé un petit peu. Luther King, ça. Et moi, j'essaie de vous imposer un autre point de vue, qui est le point de vue cosmique. Et je vous dis qu'il vient un jour, dans les années, ça, pas loin, où il y aura un homme dans le monde qui sera dans cette lumière. Et quand il parlera dans le monde, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, qu'il parlera aux nations, la conscience astrale, les forces de l'Antichrist n'auront aucun pouvoir sur cet homme-là. Et ce qu'il dira, ce sera ça. Et ce qui sortira de sa bouche, ce sera le feu. Ça veut dire. Autrement dit, quand viendra cet homme-là, quand il sera connu dans le monde, cet homme-là, automatiquement, ce sera la signe de la fin. Il ne viendra pas avant que ce soit le temps. Mais quand tu vas venir, ça va être final. Fait qu'à un moment, tu voudrais être tiré, tu ça ne changera rien. Parce que tu ne seras pas tiré. Parce que c'est qu'on a de la qualité qu'on a avec ses parents. C'est ça, je vous dis. Après, c'est ça, exactement. Puis si vous étiez capable de capter un de ma vibration, un de la vibration, puis la vibration, bien, vous changeriez de même. Mais non, vous avez une petite période de vibration, puis aussitôt que ça vous chicote un petit peu, là, l'astral rentre en charge. C'est pas toujours tard. Sans ça, vous avanceriez de même. Mais il y a toujours un double check, il y a toujours une partie de vous-même qui vous met les deux pieds dans le concept humain du réel, au lieu de vous projeter en esprit dans le réel de l'avenir. Pardon? Ben oui, c'est à l'esprit. Évidemment, je vous explique quand même. Quand un homme est dans le réel, il ne peut pas soumettre le réel à l'astral. C'est impossible. Fait que soit tu te fasses descendre, ou soit tu sois touchable. C'est ça que je veux dire. Puis comme un homme qui est dans le réel est trop intelligent pour se faire descendre, s'il vient le temps où il parle dans le monde, au peuple, ou aux nations, ou aux hommes, laisse-moi te dire que c'est parce qu'il sait que c'est le temps qu'il le fasse, puis automatiquement, il devient le temps. Quand cet homme-là viendra, il sera reconnu ou reconnaissable dans le monde. Les hommes sauront que le temps s'en vient. Voilà. Alors, le temps de la fin du cycle. Pour le passage d'un plan vibratoire à un autre, pour un certain nombre d'hommes dans différents pays. C'est lui qui va détruire les forces de l'Antichrist en terre. De fond en compte, c'est pour ça que les hommes doivent apprendre à vivre de leur intelligence, jamais de leur intellect. De leur intelligence. Les hommes sont bien près de leur intelligence, j'imagine. Mais c'est toujours l'astral en eux qui les coupe de leur intelligence. C'est l'astral en nous autres qui bloque la vibration tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, si je vous dis quelque chose, puis vous le saisissez pas dans la vibration, puis vous le saisissez dans l'intellect, c'est l'astral. Parce que tout ce que je vous dis, ça saisit pas, anyway, dans l'intellect. Si vous le saisissez dans l'intellect, c'est l'astral. Même si vous le saisissez positivement, c'est l'astral. Ça devient pour vous autres la vérité. C'est l'astral. Ça va pas de la merde. Quand tu me parles, c'est ça ou c'est pas ça? C'est vibratoire que je dis, c'est ça ou c'est pas ça. Il faut que ça soit vibratoire. Parce que si c'est pas vibratoire à ce moment-là, automatiquement, je suis dominé par ton esprit. Puis d'un coup, t'es bien flat, t'as des grands mots, t'as une grande diction, puis moi, je suis à la quatrième année, puis tu me dis quelque chose, puis je le prends pas vibratoirement, je le prends au niveau de l'esprit du menton. Je suis pas mis dans ton esprit. Je suis poigné par toi. Je t'ai influencé par toi. Ça va loin, hein, tu De sorte que, ça ramène à un point. Quand on se rencontre puis qu'on parle, si vous avez compris quelque chose, c'est le phénomène antipsychique. Si vous avez saisi vibratoirement quelque chose, vous ne pouvez pas mettre votre main dessus. Si vous pouvez mettre votre main dessus, pas bon. Vous pourrez plus le faire. Vous allez fonctionner comme Ménard, puis Croteau, puis d'autres. Je prends les autres comme exemple. Croteau, j'y parle, ça rentre. Ça rentre. Ça s'arrête pas nulle part en rentrant. Ça passe pas par toutes les circonvolutions du cerveau. Ouvrez une petite là. C'est le même phénomène quand Croteau me parle. Ça arrête pas quelque part, ça rentre. C'est vibratoire! Non, vous autres, ça rouvre une petite lumière verte, ça part. Des fois, c'est une petite lumière rouge, ça, une question. Après, une petite lumière verte, ça part. Une autre, une petite lumière rouge. Des fois, c'est une petite lumière jaune. Mais ça vous allume toujours une petite lumière. Exactement. Vous allez apprendre votre leçon. Et ça, c'est dans votre expérience. Une communication vibratoire peut se servir de mots substants matériels, il faut bien qu'on communique avec des mots quand on parle. Mais c'est pas dans la forme, c'est dans l'énergie. Pardon? Vous n'êtes pas assez avancé sur le plan vibratoire pour communiquer par télépathie. Quand vous aurez les cassettes, ce sera par télépathie. En attendant, ce sera par les mots. Si vous vous accrochez pas au mot, vous restez dans la vibration. Voilà, c'est ça qu'on travaille. OK, on va en détruire une autre part. Vous allez comprendre un jour que quand vous rencontrez une personne, puis vous percevez des vibrations, vous les percevez au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est un centre d'énergie émotive. Le centre d'énergie émotive, il n'y a aucune intelligence. Il y a seulement de la perception. C'est connecté à l'astral. Fait quand vous serez un supramental, que tu rencontres n'importe qui, tu ne sens jamais rien. Tu ne sens rien. Rien, c'est jamais. Ce que les gens considèrent, l'empathie, la sympathie, l'empathie, comment ça s'appelle, sympathie, whatever, là. C'est tout de l'astral. Parce que quand tu es conscient, quand tu es dans la lumière, que tu rencontres n'importe quel homme, tu communiques avec. Moi, s'il aurait fallu que je fonctionne au niveau de la sympathie quand on s'est rencontré puis que je t'ai donné des choses dans le séminaire, je te jure que j'aurais dit, lui, je veux plus le voir. Comment ça? Parce que ça aurait fonctionné au niveau d'un sentiment quelconque. J'aurais dit, je veux plus le voir, ce gars-là. Il m'engueule, il me traite comme du poisson pourri. Il veut renverser les chaises puis les tables dans le séminaire. Comment ça, je veux dire? C'est ça, de la strate. Moi, quand j'ai rencontré Croteau pour la première fois, qu'il s'en allait me checker dans les conférences. J'ai rencontré Croteau, puis final, il y a un mur ici. Pas commencé à sentir si Croteau me check ou s'il ne me check pas. S'il m'aime ou s'il ne m'aime pas. J'ai parlé à Croteau, puis Croteau m'a parlé, puis ça s'arrête là. Mais c'est notre astralité qui nous fait sentir. Il y a des gens qui me voient, ils voient des autres, là. Ça va être donc. Hey, il faudrait que je voie les lumières de tout le monde, puis les auras de tout le monde. Il faudrait que je ne sois pas de lunettes de soleil. Ça compte. La fille, c'est qu'ils sont contents de ça. Ils sont contents de ça. Oh, mais la neutralité, c'est quoi? C'est supramental. C'est ça. Quand t'es bien dans ta peau, tu rencontres n'importe qui, que ce soit un criminel ou un prêtre ou un sac, la même chose. La même affaire. Non, on sent. Lui, je l'aime parce qu'il est peint. L'autre, je l'aime pas parce qu'il est pas peint. L'autre, il crie trop fort. On a tout, on sent. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on va aller? Les doux vont aller avec les doux. Les doux veulent pas, ils veulent pas être éclairants. Ça devient sorti. Puis les roughs, ben, ils veulent rien savoir des doux. Fait que les doux sont des bords, puis les roughs de l'autre. Le sel, c'est le poil. Il y en a des roughs, tu sais. Lui, c'est un rough. Lui, c'est un rough avant, c'est pas un rough. Lui, c'est un rough. Croto, c'est un rough, machin chouette là-bas. Daniel Ménard, c'est un rough. Lui, c'est un doux. C'est rough. Mais c'est la même chose. Là, tu parlais avec les doux, les fins, les écoutes. Ménard, là, on n'a pas voir Ménard, puis Croto, puis l'autre, parce que dans le plein mur, dans le sens des chaises, dans le final. Non, c'est pas de même que ça marche. L'intelligence, c'est de l'intelligence. C'est le lien et ça vient. Faut que tu rencontres les hommes, tous les hommes. Mais il faut qu'il y ait de lien, par exemple. Parce que si tu rencontres un doux, là, ça marche. Mais si tu rencontres un rat, faut que tu l'amènes, le rat, à se sentir. À sentir, tu sais, à percevoir, puis à percevoir, ben, faut que tu aies la résistance, puis pour continuer la relation, puis la continuer, la relation, la continuer, jusqu'à temps qu'il y a un équilibre dans ses énergies à lui. Quand il y a un équilibre dans ses énergies à lui, les problèmes existent. Mais c'est pas ça qu'on fait. Les rocs se tiennent ensemble, puis les doux se tiennent ensemble. Deux plus. Ceux qui parlent gros ensemble, ceux qui parlent pas ensemble. On polarise l'humanité. On va polariser l'humanité. Il y a des roughs qui sont roughs parce que c'est le même qui sont, c'est nécessaire que ce soit le même. Il y a des doux, c'est nécessaire que ce soit le même. Jusqu'à temps que les gens rentrent dans leur union. C'est ça. Ça manque pas d'intelligence. Elle a absolument Gibson. Elle aime être avec elle. Elle est tellement bonne. Elle est tellement fine. Avec tout le monde, il y a le même dans la graisse pour quitter. Ça, c'est sa nature à elle. Elle est bonne, la nature spirituelle. L'espoir, l'espérance, la charité. Avec tout le monde, on retourne. Mais je vous comprends. La réalité, c'est l'affrontement éternel des deux. Très bien. Très bien. Ça m'amène à dire quelque chose d'intéressant. C'est que la réalité étant l'affrontement éternel des deux forces, il y a des pics. Donc là, on rentre dans nos pics. Puis après ça, il y a ce renversement là-dessus. Parce que les enfants de lumière retourneront à la magie noire. Ouais, on va aller un petit café de jour. Lui, il veut avoir une fin pour connaître le dénouement. En faites-vous ça? Puis dans le dénouement, il y a toujours l'espérance. Puis dans l'espérance, il y a toujours le désir de la victoire de la lumière. Le désir de la victoire de la lumière provient de l'astral spirituel. Il y a une tête de mur. Fait que d'un côté ou de l'autre, que tu sois bon ou que tu sois mauvais, c'est toujours rancune pareil. Jusqu'à temps que tu sortes de la dualité, que tu sortes complètement de l'astral. On va-tu m'en aller vite? Ok, je suis prêt. Je vais parler avec elle ici, là. C'est qu'un jour, ce que j'aimerais faire, ça va être une autre étape dans toute cette conversation interminable. Un jour, j'aimerais ça réunir un certain nombre de personnes qui sont suffisamment dans leur intelligence autour d'une table. Puis chacun se mettrait une petite patente dans la main, là. Un petit microphone. Puis on aurait une enregistreuse. Le genre de matériel qu'on pourrait parler autour de cette table-là, c'est cette personne, engendrerait un autre niveau de curiosité dans l'homme. Si la curiosité, elle est créée par l'intelligence, la curiosité aide au développement de l'intelligence. Si la curiosité est créée par l'absence d'intelligence ou l'intellect, elle ne crée pas d'intelligence. Elle crée encore de l'intellect. Quand je parle en public, mais nécessairement je passe une traque. La traque sur laquelle je passe, c'est toujours une traque qui est liée à l'instruction. Mais si j'étais avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes, que je parle dans un cadre d'intelligence qui est toujours sous la poussée d'un canal central en relation avec d'autres canaux qui sont ouverts, à ce moment-là, ça engendre ça de l'information particulière qui est détachée du genre d'information que naturellement, par moi-même seul, je vais amener au public. Fait qu'automatiquement, ça aura tendance à fragmenter l'énergie du rayon sur lequel je fonctionne pour engendrer une énergie qui est faite de plusieurs autres. Et ça servira à créer une nouvelle curiosité, une curiosité qui ne pourra pas servir à l'alimentation astrale de l'homme, mais une curiosité qui servira à faire entrer petit à petit l'homme dans son intelligence par des voies qui ne lui sont pas personnelles. Moi, quand je parle avec vous autres, je passe toujours par des voies qui sont personnelles. Si je parle de l'Antichrist, c'est personnel à tout le monde. Si je parle de la jalousie, c'est personnel à tout le monde. Même si vous n'êtes pas jaloux, j'explique les mécanismes qui réfléchissent toujours un aspect de l'homme. Autrement dit, quand je parle à l'homme, je parle toujours à l'homme d'une façon qui lui est personnelle. Il y a toujours quelque chose, là. Tandis que si je parle avec un certain nombre d'individus, à ce moment-là, je ne parlerai pas d'une façon qui est personnelle à l'homme, et je vais parler d'une façon qui est transpersonnelle, dans ce sens que la façon dont je vais parler va permettre à tout le monde de vivre d'une qualité de l'intelligence manifestée qui s'occupe non pas de l'astral de l'ego ou de ce qui est rattaché humainement à l'ego, mais de ce qui servirait l'ego s'il était en mutation. Un ego en mutation, c'est un ego qui est devenu esprit. Puis un ego qui est devenu esprit est automatiquement dans l'intelligence. Quand il est dans l'intelligence, ce qui le sert dans cet état-là, ce n'est plus l'astral de la forme. C'est l'énergie de la continuité de l'intelligence dans la réflexion parfaite du rayon en lui pour le bénéfice de l'introduction sur le plan où il est, du vaste domaine de ce qu'on appelle nous autres les hommes intelligents. Mais ça, ça l'amène automatiquement à ne plus réfléchir sur l'intelligence ou à ne plus chercher l'intelligence ou à ne plus chercher dans le domaine de l'intelligence, mais chercher simplement dans le domaine de l'énergie de l'intelligence. C'est ça que je fais souvent référence à Croteau ou à Ménard. Excuse, je te prête les oreilles. Je vais me tasser une fois pour toutes. Des souris en bas. On a une mauvaise habitude, l'autre, c'est qu'on cherche toujours l'intelligence. On cherche on cherche l'intelligence. Puis un jour, on va s'apercevoir que l'intelligence, ça n'existe pas tel qu'on le cherche. Ça existe tel qu'on le vit. Alors, ces rencontres-là avec un certain nombre de personnes qui sont déjà suffisamment intelligentes pourra permettre de développer de la curiosité qui vous amènera à comprendre des domaines de l'intelligence qui vous amèneront à ne plus rechercher l'intelligence, mais à le vivre. C'est un petit à côté des affaires quand je parlais avec. Bon. Parce que c'est subtil, tu sais. Toute notre vie. Il y a tous les squelettes dans le coin. Toute notre vie, sans qu'on le réalise, est conditionnée par notre astralité. Puis. Vous autres, vous venez des conférences, puis vous venez d'un séminaire, vous venez whatever. Mais dans le fond, vous venez pour quoi? Vous venez pour voir ce que j'ai à dire. Il y en a, c'est pour voir ce que j'ai à dire. Il y en a, c'est pour essayer de comprendre les affaires. Il y en a, c'est pour se faire pour découvrir une clé. Autrement dit, vous venez toujours pour une raison. Mais si vous étiez capable de venir pour aucune raison, à ce moment-là, vous viendriez dans le seul but de connaître la profondeur de votre propre intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Quoi? Quoi? Vous viendriez dans le seul but de comprendre, de vivre la profondeur de votre intelligence, parce que mon intelligence, moi, elle est totalement indifférenciée. Tandis que votre intelligence, l'autre, elle est différenciée. Puis, si votre intelligence était indifférenciée, puis que vous viendriez dans les conférences, dans les rencontres, whatever, vous subiriez la vibration de mon rayon et automatiquement vous percevriez la vibration de votre rayon. Comme mon rayon sera toujours un petit peu plus rapide que le vôtre, pour des raisons vous expliquant, automatiquement, vous trouveriez toujours dans nos rencontres de la profondeur à votre intelligence. Quand je veux dire de la profondeur à votre intelligence, je veux dire que vous découvririez de plus en plus ce que vous êtes. Oui, je le sais ce que vous êtes, Mais je peux pas vous le dire, parce que si je vous le dis, je vous astralise. Voilà, c'est comme un fait. Mais si vous venez des rencontres, on se rencontre dans un petit café, puis on se parle, moi, je peux vous faire découvrir ce que vous êtes, parce que mon énergie est totalement différenciée, puis elle est suffisamment perfectionnée pour ne pas engendrer en vous, par le biais de l'astral, ce que vous êtes, mais pour engendrer en vous une vibration qui va vous amener à reconnaître ce que vous êtes par le biais de votre mental. Fait que quand je fais ça, automatiquement, je n'enfreins pas les lois de mon travail, les lois de l'énergie de l'intelligence, mais je permets à ce que l'intelligence en vous saute devant la mienne. Puis j'ai le pouvoir de faire sauter l'intelligence dans l'homme devant la mienne, parce que mon intelligence est toujours derrière la vôtre. Puis elle est toujours derrière la vôtre parce que elle n'est pas connue de l'homme. Elle est derrière la vôtre parce qu'elle n'est pas connaissable de l'homme. Mais sur le plan matériel, c'est bon que vous sachiez et que vous compreniez votre intelligence pour pouvoir accès, pour avoir accès à ce que vous êtes, mais sans passer par l'astral. Parce que si vous avez accès à ce que vous êtes en passant par l'astral, vous allez vous faire compter des salaires. Si vous avez accès à ce que vous êtes dans l'astral, bien, vous allez être un grand ci, puis un grand ça, puis un grand ci, puis un grand ça. Puis ça, automatiquement, ça va vous empêcher d'être dans votre intelligence, parce que dans l'intelligence, il n'y a pas de grandeur. Tandis que dans l'astral, il y a de la grandeur. Il y a de la petitesse, de la grandeur. Dans l'intelligence, il n'y a aucune magnitude. Puis quand on réalise qu'il n'y a pas de magnitude dans l'intelligence, on s'aperçoit que l'intelligence, c'est une illusion. Puis on s'aperçoit que c'est une illusion, non pas parce que ce n'est pas réel, mais parce que ça ne remplit jamais le rôle dans l'ego que l'ego pense vouloir avoir d'elle. L'intelligence, c'est jamais ce que l'ego pense que c'est. Parce que l'intelligence appartient pas à l'ego, puis aussitôt que ça appartient pas à l'ego, l'ego ne peut pas penser qu'est-ce que c'est, parce qu'il ne peut plus s'attacher à elle par l'astralité. Fait qu'automatiquement, l'ego, il n'est plus rattaché à son intelligence, puis dès qu'il n'est plus rattaché à son intelligence, il est esprit. C'est à ce niveau-là que nos rencontres sont importantes. Pas aux autres. Aux autres, c'est pour vous amener à ce niveau-là. Mais rendu à ce niveau-là, là, nos rencontres sont importantes. Puis à ce moment-là, c'est plus important que nos rencontres soient faites dans un temps donné. Ils peuvent être faites dans un autre plan. Parce que moi, je suis capable de communiquer avec vous autres sur un autre plan. Mais quand je le fais toujours... Je le fais toujours de telle sorte que... ça ne soit pas reconnaissable. C'est pour ça que des fois, dans votre expérience, vous sentirez que je suis un petit peu en vous. Des fois, ça peut être toute la partie de votre corps. Des fois, ça va être une partie de votre corps. Mais la présence que vous sentez que je suis en vous, c'est simplement la présence de mon intelligence dans votre intelligence. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'intelligence. Nous autres, on pense que l'intelligence, c'est une énergie. Effectivement, c'est une énergie. Mais c'est bien plus que ça, l'intelligence. Mais ça, je ne peux pas vous dire ça. Mais moi, je vais vous dire plus tard. C'est tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on reconnaît ta présence en reconnaissant l'intelligence? Mélange-moi pas, là. De l'intelligence, je sais pas si je vais pouvoir le dire parce que c'est bien dur à dire. De l'intelligence, peut-être comme M. Croteau l'expliquait tantôt, il disait que c'était comme si on avait plusieurs corps, plusieurs couches, si tu veux, plusieurs corps. Puis qu'on était comme dans un... C'était comme de l'eau, par exemple. Avec de l'eau, on pouvait être gym. Ça faisait partie de nous autres. C'était comme un liquide. Oui, puis avec d'autres choses, c'était encore la même chose. Mm-hmm. Et même l'urine faisait encore partie de nous autres, ça formait un tout. Mm-hmm. Il y en avait peut-être quoi, 7, 10, mm-hmm. mais ça formait un tout. Mm-hmm. Ok, moi me servir de ça, moi partir de là. De l'intelligence, c'est tout ça. Tout ça. Sauf l'impression du liquide. Tu comprends ça? C'est de l'alcool, du gin, du vermouth, de l'eau, tout mélangé. Sauf l'impression du liquide. C'est ça de l'intelligence. C'est que tout rentre l'un dans l'autre. Ouais. Mais sans l'impression du liquide. Fait que ce qui arrive avec vous autres, c'est que si mon intelligence se mélange à votre intelligence, vous autres, vous avez encore l'impression du liquide. Fait que vous sentez que je suis dans une partie de votre corps. Mais ça, c'est parce que vous avez encore trop d'astralité. Si vous n'aviez pas d'astralité, vous ne sentiriez pas ça. C'est à ce moment-là qu'on peut communiquer par télépathie. L'intelligence, dans son mouvement, crée un corridor. Ouais. Mon doigt passe dans l'air, il crée un corridor. Il crée un trou, mon doigt. On met de l'intelligence, ça crée un corridor. Puis je veux souligner l'importance de l'illusion qu'on a de l'intelligence. Croteau, il est toujours à terre. En nous faisant réaliser que ce qu'on appelle de l'intelligence, c'est le mouvement d'une énergie dans ces liquides-là. Alors, si vous avez un que les liquides, vous avez de l'intelligence structurée de l'esprit. Si vous avez le mouvement de l'intelligence indifférenciée dans les liquides, vous avez l'intelligence pure. C'est ça de l'intelligence pure. C'est pour ça que de l'intelligence pure, ça n'appartient jamais aux liquides. Ça passe dedans, mais ça les fait vibrer. Et quand ça les fait vibrer, ça crée l'impression de ce qu'on appelle l'homme. Quand il n'y a plus de liquide, qu'il y a un que les essences, il n'y a plus d'âme. C'est l'esprit. Alors, à ce moment-là, les liquides, ou c'est-à-dire les essences, qui ne sont plus dans la conscience du liquide, sont capables d'absorber cette énergie-là. Et en l'absorbant, ils deviennent automatiquement lumière. Et ça, c'est l'homme dans l'éther. Si l'intelligence ne passe pas dans les liquides, tu as des liquides. Mais il n'y a pas de lumière. Alors, qu'est-ce qui se produit avec le temps? C'est que ces liquides-là, pour devenir fonctionnels, doivent se créer une lumière. C'est l'astral. C'est l'âme. Alors, les liquides ont été, depuis des siècles, habitués à l'impression de la liquéfaction, ça les a amenés à la nécessité de développer leur lumière, autrement dit, de se condenser. Alors, la lumière astrale, c'est le produit de toute la condensation, puis on appelle ça l'homme. Dans le mouvement de l'évolution, c'est l'opposé. C'est ça qui se fait. Au lieu de ça, c'est ça qui se fait. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'à un certain moment, il y a un principe, un de ces liquides-là, qui se sépare des autres parce qu'il est plus volatile. C'est le corps éthérique. Alors, ce corps-là, s'il veut, il peut rentrer, puis il peut sortir, puis il peut rentrer, puis il peut sortir. Puis c'est au niveau de ce liquide-là, de cette essence-là, que l'homme de demain vivra dans sa conscience. Parce que la lumière allumera ce corps-là plus que les autres. Mais elle allumera les autres s'il veut. Mais s'il ne veut pas, elle va être pluguée dans ce corps-là. Puis s'il veut redevenir plus liquide, autrement dit, revenir vers la matière, bien, elle va descendre. Mais même dans la matière, il sera lumière. Oh, c'est évident que rendu à ce stage-là, les forces de l'Antichrist, les forces astrales n'ont aucun pouvoir sur l'homme. C'est pour ça que j'aimerais ça avoir différentes conversations, différentes sortes de conversations. Parce que moi, je peux pas parler de tout. Il y a trop de choses à parler, c'est évident. Puis, je m'adonne à parler de telle chose, de telle chose, de telle chose, selon l'intelligence dans les individus. Et plus les individus ont de l'intelligence, plus ils sont dans l'intelligence, mais plus moi, je peux entrer dans une autre couche de l'intelligence. De sorte qu'automatiquement, si c'est enregistré, ça, comme mémoire, sur le plan matériel, ça active encore plus tout le processus d'évolution de l'homme au niveau du mental supérieur pour détruire le plus rapidement l'astral et pour faire comprendre à l'homme les nuances extraordinaires de son lien avec l'astral. On va prendre lui. Lui, il a une personnalité, un tempérament, un caractère. S'il parle dans son intelligence, il va parler de certaines choses. Lui, il va parler de certaines choses. Elle, va parler de certaines choses. Puis moi, je parle de certaines choses. Alors, je peux peut-être couvrir un terrain un petit peu plus vaste. Mais je suis obligé toujours de parler en fonction de vous autres. Je peux pas parler en fonction d'autres hommes. Je parle à vous autres. Fait que je suis obligé de parler en fonction de vous autres. Alors, si je crée une situation pour accélérer en vous autres le genre d'intelligence qui peut passer dans vous autres, en changeant un peu vos liquides, automatiquement, je parlerai autrement. Vas-y, Non, pour moi, l'intelligence, je vois ça comme la partie la plus vide de forme dans l'homme. Voilà. C'est ça. La partie la plus vide, la plus vide, dégagée de forme. C'est ça. Exactement ça. Alors, tu m'as fait expliquer ça. C'est ça quelque chose de bizarre dans mon comportement à moi. C'est que j'écoute, je sais que je capte, je suis pas capable de dire que j'ai compris, que j'ai pas compris. Je sais que c'est là. OK. On va. Comme je parlais, je lui ai dit la même chose. Puis là, j'ai répété un petit peu ce qu'il disait, mais du moment, il m'avait demandé de répéter, il ne pas faire. Pourtant, tu l'as fait tout à l'heure. Oui. Ce qui prouve que tu as besoin de comprendre pour savoir. Parce que, aussitôt qu'on entend quelque chose qui est réel, on a la capacité de le reparler. Mais seulement dans le temps de notre intelligence et non dans le temps de notre ego. C'est pour ça que tu me demandes si j'ai compris, je te posais oui, je te posais non. Oui, d'accord. Et c'est normal, c'est le même. Ouais. C'est ça. Puis on devrait être de même tout le temps. C'est fatigant parce qu'on n'est pas habitué. Parce qu'à cause de notre astralité, on veut toujours le saisir, cette affaire-là. On veut toujours l'arrêter, cette affaire-là. Ça, c'est notre astralité qui nous fait faire ça. C'est notre astralité qui conditionne notre personnalité. Puis on doit être capable de vivre de même tout le temps. Fait qu'éventuellement, c'est plus fatigant. C'est ça qui donne l'impression d'avoir qu'on est vide plein. C'est ça, le vide plein. Mais il faut le vivre tout le temps, cette affaire-là. Pas une deux secondes. Fait qu'au fur et à mesure que les cas s'ajustent, on le vit, le vide plein. Mais on passe par des périodes difficiles à ce niveau-là parce que on veut toujours être plein de quelque chose au lieu d'être vide de quelque chose. Dans le processus, mais on se trouve capoté. Excuse. C'est ça. Automatiquement, elle ébrouille. Automatiquement. Sa présence, le fait qu'elle est là, elle ébrouille. Comme toi, tu commences à être, tu commences à rentrer dans ton intelligence. Tu commences. Tu commences. Mon nationalité sera tout le temps à analyser pour essayer de comprendre. C'est ça qui nous... C'est ça. Pas que toi, tout le monde. Puis c'est ça qui nous rend malheureux, c'est ça qui nous rend triste, c'est ça qui nous affecte émotivement, c'est ça qui nous... Mais la sérénité, ça perd de la force. La sérénité, ça perd de son pouvoir sur l'homme au fur et à mesure que son corps mental se développe. Parce qu'éventuellement, il apprend de plus en plus, à vivre dans le vide, au lieu de vivre dans un faux plein. Il apprend à vivre dans le vide, puis c'est dans le vide le plein. L'autre plein, c'est un faux plein. Moi. Éventuellement, ça s'ajuste, puis éventuellement. Parce qu'un homme qui vit. Un homme qui vit dans le faux vide ne peut pas avoir le plaisir de l'intelligence. Parce qu'il y a un plaisir dans l'intelligence. Parce que quand elle passe cette énergie-là dans les corps vivent, automatiquement il y a un plaisir parce que le plaisir c'est une vibration. Mais si l'homme n'est pas dans son intelligence, mais il n'a pas le plaisir de son intelligence, il peut avoir le faux plaisir de son intellect. Mais il s'aperçoit après ça que c'est limité, puis ça n'arrête pas, puis ça n'arrête pas. Tandis que quand il rentre dans son intelligence, il y a une fin à cette recherche-là, il y a une fin à cette angoisse-là, il y a une fin à ça. C'est là qu'il est bien. Elle s'épuise. Ça. Puis l'équilibre créateur avec lequel ça se manifeste dans les individus, c'est la nature, la qualité de l'intelligence de l'individu. Tout ton équilibre créateur, ça produit telle sorte d'intelligence, lui, ça produit telle sorte d'intelligence, l'autre, ça produit telle sorte d'intelligence. Puis plus l'équilibre créateur est grand, plus l'intelligence est grande, parce que plus elle est parfaite dans son absence d'oscillation. Si le moindrement elle oscille l'intelligence, c'est-à-dire que si moindrement dans l'intelligence il y a une perturbation, ça veut dire que si moindrement dans l'intelligence il y a une vibration astrale, elle se dégrade. La moindre, elle se dégrade. Parce qu'elle produit dans l'homme le doute d'elle-même. T'es fini, Charlie, tu doutes, t'as le cul sur la paille. De l'intelligence, ça se doute pas. C'est anti-intelligent, le doute. C'est ça que je dis, vous allez passer par le doute, évidemment, parce que plus vous rentrez dans l'intelligence, plus que cet équilibre-là se forme, et plus vous vivez le doute, parce que vous rentrez en contact astralement avec votre mental. C'est comme si tu s'en vas là, si tu s'en vas vers le mental dans une enveloppe astrale, là, puis au fur et à mesure que tu es aspiré dans le mental, là, ton enveloppe elle se déchire, elle se déchire, elle se déchire. Fait que pendant qu'elle se déchire, tu doutes éventuellement, là, tu n'as plus de tes tenues, là, puis tu rentres dedans. Là, tu n'as plus de doute. Mais c'est ça qui détruit l'intelligence. C'est ça qui tue l'intelligence, qui diminue l'intelligence, puis qui le dégrade, c'est le doute. Mais ça, on ne peut pas faire autrement. Faut que l'enveloppe astrale se déchire, puis qu'elle se déchire, puis qu'elle se déchire. C'est pour ça que les hommes qui se promènent dans les mondes, qui vont d'une planète à une autre planète, ils ne peuvent pas aller en astral. sont obligés d'avoir un autre corps. Sans ça, leur contact avec les particules très, très, très petites dans ces mondes-là les détruira complètement. Tu peux pas partir de la planète Terre et aller à Kappa 7, chose, sans avoir une enveloppe qui est totalement résistante à ce mouvement-là. C'est pour ça que quand tu vas en astral, tu te promènes ici au bout, là. Dans le cours. Tu peux pas, puis tu vas trop loin, là, tu paniques automatiquement, puis laisse-moi te dire que le cordon, il devient très, très, très, très, très, très, très mince. Puis s'il est trop mince, il craque, tu meurs. Tu retrouves le bonhomme l'an dernier matin dans sa cellule, dans la position de lotus, puis les yeux à l'envers. Puis il se retrouve dans l'astral. Tu connais ça, l'affaire des cordons, toi? Quand il y a interprétation de ton intelligence, de notre intelligence, et que notre conscience le sait dans l'instantané, de plus en plus, ça cause des embrayages dans la réalité de notre personne, dans la force d'en prendre conscience. Oui, parce que ça crée un choc. Oui, à chaque fois. C'est une question de renforcement, j'imagine aussi. C'est ça. C'est une question de tuning à votre insu. Parce que ça se passe aussi bien dans le sommeil, aussi bien dans l'inconscient, dans le jeu. Ça se passe à n'importe quel moment. C'est quand même quasiment le présent. C'est ça. Ça cause des chocs en même temps qu'on est capable de comprendre. Gisèle, quand elle m'a rencontré, elle était à Chicoutimi. Elle passait à travers du parc de la Vérandrie puis était assise sur mes, comme si j'étais sur le plan physique, là. Était assise sur mes genoux. Tu sais, comme si elle était assise sur mes genoux. Puis moi, je conduisais le char. Elle ne conduisait pas le char partout. Mais c'était comme si elle était assise sur mon corps physique. Mais c'était pas mon corps physique. C'était mon intelligence. Puis j'ai conduit son char jusque chez eux. Jusqu'au bout. Il faut que je fasse quelque chose d'un petit peu spectaculaire pour elle. Pour faire un lien, pour établir un lien avec elle. Parce qu'elle avait des grandes épreuves à vivre. Mais c'est le même phénomène. L'exemple pratique que je voulais projeter là-dessus, c'est que récemment, je suis beaucoup dans l'environnement de travail au bureau. Constamment, j'avais la prise de conscience de les formes institutionnelles du travail qui me font rentrer dans des émotions constamment, soit ton boss, soit tes subalternes. Qu'à force de se faire perdre, à un moment donné, ça désembraye complètement ce bien on a eu. C'est ça. Il y a des gens qui viennent en contact avec ce qu'ils appellent des extraterrestres, toute l'affaire. Hein? Puis ils pensent qu'ils viennent en contact avec des extraterrestres. Pas avec des extraterrestres qui viennent en contact. Il y a des extraterrestres. Mais souvent, les gens ne sont pas en contact avec des extraterrestres. Ils sont en contact avec des intelligences. Nuance. Et les intelligences sont purement lumineuses, sont purement des rayons, sont même plus en contact avec des êtres. Sont en contact avec des intelligences. Puis une intelligence peut produire une forme. Fait que c'est pas avec la forme que tu es en contact, tu es en contact avec une intelligence. On pense, nous autres, qu'on a de la misère à s'imaginer qu'une intelligence, c'est aussi concret et aussi dense, dans le sens que c'est aussi réel qu'une forme. Une intelligence, ça peut être bien plus réelle qu'une forme. Elle va créer une forme pour être reconnaissable. Mais ça peut être bien plus réelle qu'une forme. Puis les plus belles intelligences dans l'univers n'ont pas de corps physique. Ils peuvent en créer un s'ils veulent. Mais si tu es voué sur un autre plan où si tu peux les percevoir en dehors du corps physique, en dehors de la forme physique, de bien plus de chances de les voir dans leur beauté, ces intelligences. Parce que la raison pourquoi est-ce que je dis que l'intelligence, qu'une intelligence, c'est une illusion, c'est parce que dans le fond, on n'a pas le droit de dire de l'intelligence, on devrait dire une intelligence ou des intelligences. On devrait dire dans l'univers, il y a des milliards d'intelligences. Non, on dit dans l'univers, il y a un principe d'intelligence. On est obligé de parler de même parce que ça a été institué comme ça dans le passé. Mais dans le fond, un principe d'intelligence est fait de milliards d'intelligences. Tout ensemble, ces milliards d'intelligences-là forment un principe d'intelligence parce qu'ils sont totalement harmonisés. Alors, dans le fond, qu'est-ce que c'est un principe? Le principe, c'est la quantification parfaite de l'harmonie de plusieurs unités de quelque chose qui se manifeste en tant que volonté, intelligence ou amour. Alors, on peut dire que dans l'univers, il y a plusieurs intelligences. On peut dire que dans l'univers, il y a plusieurs intelligences. Mais on ne peut pas dire que dans l'univers, il y a plusieurs volontés ou il y a plusieurs amours. Parce que là où il y a une intelligence, il y a de la volonté, il y a de l'amour. Fait que le principe de l'intelligence, il existe. Mais le pouvoir de la volonté, le pouvoir de l'amour sur la manifestation de ce principe-là. De sorte que le principe de l'amour et le principe de la volonté n'existent pas. De sorte que la Trinité n'existe pas. Mais on avait besoin avant de la Trinité parce qu'on avait besoin avant de constituer la nature du réel. Dans une volonté, dans un amour, dans une intelligence, parce qu'on devait personnifier l'amour, l'intelligence et la volonté pour anthropomorphiser la forme, pour que l'homme puisse être sentimentalement, astralement rattaché à cette forme-là pour créer des religions. Mais maintenant qu'on tombe dans la science de l'esprit puis qu'on réalise le pouvoir de l'intelligence sur la Terre, on a le droit de désinstitutionnaliser ce qui a été institutionnalisé avant pour raffermir la nature du principe de l'intelligence et on raffermit le principe de la nature de l'intelligence en détruisant les aspects qu'on a attribués d'elle à d'autres divinités dans le passé pour empêcher que l'homme sache que dans l'univers, il y a des intelligences et que ces intelligences-là créent et constituent tout ce qui est créé, mais dans une perfection telle que l'ajustement vibratoire de leur énergie devient dans l'homme de la volonté et devient dans l'homme de l'amour. Fait que ça commence à affecter le Christ et le Père. Alors, on dit... Commencez pas à penser ces cassettes-là en public. Ça va chicoter bien du monde. On dit, dans l'ancien temps de l'homme, que le Fils est assis à la droite du Père. Alors, si le Fils est assis à la droite du Père, c'est que la volonté du Père est plus grande et le Fils lui doit respect. Le Fils représente l'amour. Mais où se constitue l'intelligence, l'esprit au-dessus des deux? Puis regardez dans la symbologie de l'humanité, vous verrez toujours l'intelligence, l'esprit au-dessus de tout. Dans le triangle. Parce que l'intelligence, c'est le seul principe dans l'univers. L'amour est une manifestation de l'intelligence et la volonté une manifestation de l'intelligence. Et l'intelligence est le seul principe dans l'univers et l'intelligence contient tous les alephes. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et c'est ce qu'on dit quand on parle, quand on dit dans le langage réel que Dieu le Père est Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Pour dire ensuite que Dieu le Père est dans l'esprit de Dieu le Fils, et Dieu le Fils est dans l'esprit de Dieu le Père. Et l'esprit... Si Dieu le Père est dans l'esprit de Dieu le Fils, si Dieu le Fils est dans l'esprit de Dieu le Père, ça veut dire que l'amour est dans l'esprit de la volonté, puis la volonté dans l'esprit de l'amour. Mais l'intelligence qui est esprit, il est où? Il est au-dessus des deux. C'est ça qu'il disait, trois personnes en un. Il y avait trois personnes en un. Puis dans le fond, il n'y a rien qu'une personne. Il n'y a rien qu'un principe. C'est l'intelligence. Fait qu'en attendant, Dieu le Père, vous pouvez le mettre de côté. Dieu le Fils aussi. Parce que les deux se retrouvent dans l'intelligence. Ça, ça nous amène à constituer la nouvelle version de ce que le Christ est. Le Christ, c'est la résurrection temporelle du mystère de l'intelligence dans l'homme pour la fructification dans son astral d'une conscience suffisamment moralisante pour l'amener éventuellement à ne pas se détruire, afin de permettre suffisamment de temps dans l'histoire de l'homme pour qu'un jour l'intelligence descende en lui pour qu'il n'ait plus besoin de se tuer, et pour qu'il n'ait plus besoin à ce moment-là d'astraliser sa conscience, et pour qu'il puisse reconnaître en lui-même toutes les vertus de l'intelligence qui sont la volonté et l'amour. Alors, quand je dis que l'intelligence, c'est une illusion, je veux dire que si tu élimines l'intelligence du cosmos, il reste deux choses, la volonté et l'amour. De sorte qu'un homme qui est intelligent a de la volonté et a de l'amour. À ce moment-là, il n'y a plus besoin d'intelligence. Mais s'il n'y a plus besoin d'intelligence, qu'est-ce que c'est en lui qui le fait agir de telle sorte qu'il est manifestement dans la volonté ou dans l'amour, c'est justement l'harmonisation des deux qui sont le produit de l'intelligence. Alors, l'intelligence, ça n'existe pas. L'intelligence, c'est la synthèse de la volonté et de l'amour. L'amour et la volonté, c'est la manifestation, la fracturation de l'intelligence. Enfin, où il y a de l'intelligence dans un homme, il y aura toujours de la volonté, il y aura toujours de l'amour. Et où il y a de l'amour et de la volonté dans un homme, il y aura toujours de l'intelligence. Alors, un homme qui rentre dans la conscience cosmique n'a plus besoin de s'intéresser à l'amour ou à la volonté, puisqu'il est dans l'intelligence. Et étant dans l'intelligence, il n'a plus besoin de s'inquiéter de l'amour et de la volonté. C'est pour ça qu'à un certain moment, l'homme ne peut plus vivre en tant qu'homme, il doit vivre en tant que surhomme, c'est-à-dire qu'il doit vivre au-dessus des valeurs de l'homme. C'est-à-dire qu'il doit être capable à la fois d'être parfait dans l'intelligence, parfait dans la volonté et parfait dans l'amour. Et quand il est parfait dans les trois, il n'est plus sur la terre. Il emprunte une forme matérielle, mais il n'est plus sur la terre. Pourquoi? Parce que sur la terre, les seuls principes qui peuvent être vécus sont la volonté et l'intelligence. Principe, là, quand je suis un peu dans l'ancien thème que je l'expliquais. Mais l'amour, lui, si l'amour ne peut pas être vécu sur la terre et que l'homme déjà est dans cette énergie-là, il ne peut pas être sur la terre. Alors, automatiquement, l'homme devient une parfaite illusion. Et étant une parfaite illusion, il peut expliquer parfaitement à l'homme l'illusion de l'homme. C'est-à-dire, il peut expliquer parfaitement à l'homme le secret des mystères de l'homme. Il peut expliquer parfaitement à l'homme la nature des choses. Il peut expliquer parfaitement à l'homme ce que l'homme doit devenir demain. Et ce que l'homme doit devenir demain, c'est ce qu'il ne peut pas réaliser tant qu'il n'est pas ça. C'est pour ça que la plus grande importance de l'intelligence sur la Terre, l'intelligence supramentale sur la Terre, c'est de faire son chemin quelque part pour ensuite permettre, par vibration, qu'elle se communique à d'autres hommes et à d'autres hommes et à d'autres hommes pour que l'intelligence supramentale se répande dans toutes les nations du monde. Par vibration, jamais par endoctrination. Et elle se répandra par vibration, parce qu'elle est déjà descendue dans la matière. Mais nous autres, les hommes qui écoutons la nature des propos expliquée par l'intelligence, nous devons comprendre que ce n'est pas ce que nous entendons qui est important, mais ce qu'elle fait en nous. Et c'est ça qu'on réalise petit à petit. C'est pour ça qu'à un certain moment, bon, ben, tu n'es plus intéressé à comprendre. Tu fonctionnes par vibration. Puis à ce moment-là, ben, là, tu rentres dans cette énergie. Là, la vie devient bien simple. Ta vie égoïque devient bien simple. Les problèmes psychologiques disparaissent parce que tu déastralises. Fait que tu commences à être bien dans ta peau. Puis quand tu commences à être bien dans ta peau, ben, t'as qu'à attendre que les temps changent pour réellement connaître ton être. Parce que l'aide de l'homme qui va vers la conscience universelle, il est présent dans chaque homme. Mais les hommes ne lui donnent pas de chance parce que les hommes astralisent leur conscience par des impressions, puis par des pensées, puis par des modes d'opération vitale qui sont soumis à une conscience qui est totalement anti-lumière. C'est pour ça que les hommes s'inquiètent de l'avenir, puis s'inquiètent de leur comportement, puis s'inquiètent de ce qu'ils vont faire demain, puis s'inquiètent s'ils vont passer haute ou non, s'ils vont évoluer ou non. Fait que c'est subtil, l'intelligence. C'est pour ça que je dis l'intelligence, c'est pas ce qu'on pense que c'est. L'intelligence, c'est totalement en dehors de l'ego. C'est totalement en dehors de l'ego. Il n'y a pas d'émotion dans l'intelligence. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a absolument rien, rien, rien. C'est vide, mais c'est plein. C'est pour ça que c'est important pour vous autres de réaliser à un certain moment de votre vie, d'être capable à un certain moment de votre vie, de vous sentir ou de sentir que ce que vous savez, c'est ça. Ce que vous dites, c'est ça. Là, il va y avoir une petite réflexion astrale, puis là, vous le dépassez, vous le dépassez. Mais quand vous l'avez, vous l'avez. Elle est dans son intelligence, puis elle sait. Tu peux pas y enlever, elle sait. Puis quand un homme est dans l'intelligence, puis qu'il rencontre un homme dans l'intelligence, mais les deux hommes sont très, très, très... sont contents de se voir, sont contents de se parler. Parce qu'ils participent tous les deux au mouvement de l'intelligence sur le plan matériel. Et il y a plus d'intelligence sur la Terre quand il y a deux hommes qui se parlent que quand il y en a un. Il y a plus d'intelligence sur la Terre quand il y a trois hommes qui se parlent que quand il y en a deux. Alors, plus il y aura d'hommes sur la Terre qui seront dans l'intelligence, plus il y aura d'intelligence sur la Terre. Parce que l'intelligence est infinie. Et elle se manifeste toujours selon les éthers de ceux à travers lesquels elle passe. Fait que quand je vous dis, moi, bon, mais il y a telle personne, telle personne, telle personne qui rentre dans leur intelligence, c'est important que vous autres, vous puissiez réaliser ça. Puis que vous puissiez, dans des conditions particulières, bon, ben, peut-être avoir une petite conversation avec ces gens-là parce qu'ils sont dans leur intelligence. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de cette vibration, et ainsi de suite. Puis ensuite, ça se communique à vous, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas d'ego. C'est pour ça qu'à la conférence, la dernière fois, à la conférence du dimanche, j'ai amené Hélène, ça a cinq. Ça a créé des remous. Pour que l'intelligence cesse de passer à travers moi, pour qu'elle puisse passer à travers d'autres. Sans ça, les gens vont toujours, ça va toujours être Bernard, puis Bernard ici, puis Bernard par là. Il n'y a pas une Bernard. Il y a Marnard, puis Partard. Un jour, vous pourrez vous regarder dans les yeux puis voir l'intelligence dans l'autre. Voir. C'est une richesse. Plusieurs hommes de plusieurs nations qui sont dans l'intelligence. Moi, quand je rencontre un homme qui est dans l'intelligence, je suis heureux sur la terre. Dans ce moment-là, je suis heureux. Je suis content. Parce qu'au lieu de moi toujours me vider, mais je me fais remplir. Pas comme vous pensez. Mais je me fais remplir. Puis l'ego, lui, il n'aime pas ça se faire remplir. L'ego, lui, il veut toujours. Mais quand tu n'es plus dans ton ego, puis tu es rendu dans ton esprit, tu es content de te faire remplir. Tu te reposes, tu prends un break. Puis tu te fais remplir par la même énergie. Mais il ne faut pas d'ego. Fait que le phénomène de l'Antichrist est un phénomène qui est extrêmement insidieux. Ça va très, très, très, très loin. Puis on est tous plus ou moins affectés par cette énergie-là. Puis éventuellement, on en sort. Mais quand on en sort, on n'est plus les mêmes hommes. Tu sais, quand tu commences à réaliser, là, quand tu commences à réaliser tout d'après toi, il entre en toi une très grande force. Très grande force. Si tu es dans un bureau et tu commences à réaliser tout d'après toi, tu commences à prendre des décisions. Tu commences à altérer certaines choses. Tu as le pouvoir de le faire, tu as l'intelligence pour le faire. Fait qu'automatiquement, ta volonté pour le faire. Parce que un va avec l'autre. Tu peux pas avoir de volonté si t'as pas d'intelligence. Mais si t'as de l'intelligence, tu commences à avoir de la volonté. Fait que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans quelques années, vous pouvez vous construire une vie intelligente. Au lieu de vivre comme des abrutis dans un système qui est totalement mort, puis un système que vous avez peur de laisser derrière vous parce que vous avez peur de perdre votre sécurité financière. Si vous êtes dans votre intelligence, laisse-moi vous dire que vous pouvez vous en créer des situations totalement nouvelles où vous allez vivre aussi bien qu'avant. Vous ne ferez peut-être pas autant d'argent qu'avant, mais vous en ferez suffisamment pour vos besoins. Mais dans des conditions que vous-même vous aurez érigées pour le bien-être de votre être matériel. Moi, j'encourage personne à laisser sa job dans le bureau, mais j'encourage tout le monde à le faire. Mais ça, je dis pas ça en public, parce qu'il y a des gens qui me prendront au sérieux, puis ils sacreraient leur job là le lendemain matin, puis les petits crieraient. Parce que les gens, souvent, ils me comprennent pas. Je parle pour demain. Un homme qui est intelligent demain, il veut être autonome, il veut créer sa propre situation, puis il a assez d'intelligence pour le faire. Mais tant que ça marche dans le bureau, mais tu restes là. Mais un jour, quand ça marche plus parce que tu as trop d'intelligence, tu sors. Ce qui va vous faire sortir du bureau, c'est parce que vous allez avoir trop d'intelligence. Mais tant que vous n'avez pas assez, vous êtes correct dans le bureau, vous restez là. C'est bien. Mais quand vous allez en avoir trop, vous allez sortir. Parce que vous allez automatiquement créer un nouveau mode d'opération sur le plan matériel pour constituer en vous, sur le plan matériel, des conditions de vie matérielle qui suffisent à l'équilibre nouveau que vous avez, selon votre intelligence nouvelle et selon votre astralité nouvelle ou moins grande. Ainsi de suite. Ce sont les professionnels qui sont les moins aptes à vivre ça plus vite parce que les professionnels ont investi tellement dans leur astralité. C'est le gars qui n'a pas une grosse éducation, comprends-tu, qui est plombier, mais il peut facilement s'ouvrir une boulangerie. Un gars qui a fait des grandes études pendant des années pour devenir un PhD à l'Université de Montréal. Il est mieux d'avoir bien de l'intelligence en vie puis de lâcher le PhD. C'est plus tough. Parce qu'il investit bien plus astralement. Autrement dit, il est beaucoup plus astral dans sa conscience que le plombier. C'est pour ça qu'on dit souvent, ce sont les simples d'esprit qui vont rentrer dans le cul du chameau. Puis vous riez parce qu'il y a un symbole là-dedans.